Les mains levées, il n'y en a que deux. Parce que j'ai jamais vu ça dans mon salon. Je me dis, est-ce que peut-être je me trompe? Regardez avec moi, il y a seulement deux mains levées. Non. Subhanallah, moi je vois seulement deux. Donc il y a quelque chose qui va pas dans le salon. C'est pour ça que Fawzi m'a écrit en whisper que qu'en quoi j'avais pas la robe. Non. Donc Inch'Allah, t'as une seconde, je sors et je reviens. Bien, il y a quelque chose qui ne va pas, je sors et je reviens, Inch'Allah, une seconde. Donc, salam alaykoum. Donc, on reprend, Inch'Allah ta'ala. On va voir quoi? On va voir maintenant la signification de l'adoration. La signification de l'adoration. L'origine du terme adoration, l'ibada, c'est quoi? C'est l'humilité et la soumission. Je répète. L'origine du terme adoration, l'ibada, c'est quoi? C'est l'humilité et la soumission. L'humilité, ta'zim, ta'zim, nam, et la soumission. Parce que si je ne considère pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est azim, nam, donc je ne vais pas l'adorer. Et si maintenant je considère qu'il est azim et je ne me soumets pas à ses ordres, donc je ne l'ai pas aussi adoré. Nam. Dans la terminologie islamique, le mot ibadah, c'est-à-dire l'adoration, a plusieurs définitions qui se rejoignent toutes. Définitions qui se rejoignent toutes. Parmi celles-là, parmi ces définitions, on va voir celles qui viennent, Inch'Allah Ta'ala. Certains ont dit, l'adoration, c'est l'obéissance d'Allah Azzawajal. En se conformant à ce que Allah Azzawajal a ordonné par l'intermédiaire de ses messagers. Certains ont donné, yani, tarif, comment on dit tarif? Certains ont donné, définition. Certains ont donné la définition de l'adoration en disant, l'adoration, c'est l'obéissance à Allah Azzawajal en se conformant à ce qu'Allah Azzawajal a ordonné par l'intermédiaire de ses messagers. Certains ont dit comme ça. Non. D'autres ont dit, l'adoration signifie de même le fait de faire preuve d'humilité envers Allah Azzawajal. L'adoration signifie de même le fait, ou bien le fait, de faire preuve d'humilité envers Allah Azzawajal. Elle est donc le summum, c'est-à-dire le paroxysme, le degré le plus élevé. Elle est le summum de l'humilité accompagnée du summum de l'amour. Nam. Donc, toutes les définitions jusqu'à présent se ressemblent. Elle est donc le sommet le plus élevé, c'est le summum. Donc, elle est le statut le plus élevé de l'humilité, ta'zim, accompagnée du statut le plus élevé de l'amour. Car si je n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas l'adorer. Et prier et faire des choses sans aimer Allah azzawajal, à quoi ça sert? Ça veut dire je fais ça sans l'agréer. Ça veut dire dans mon cœur je suis pas content de cette adoration. Mais il faut l'aimer. C'est pour ça que plus on aime Allah azzawajal, plus on fait des adorations. Plus. Non, c'est une règle. Plus tu vois quelqu'un faire des adorations, c'est une preuve que celui-là, il aime subhanahu wa ta'ala. Non. Néanmoins, la définition la plus complète, c'est celle que je vais dire maintenant. Et c'est celle qu'a citée Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Il a dit, l'adoration est un terme englobant tout ce qu'Allah azzawajal aime et agrée, que ce soit au niveau des paroles ou des actes extérieurs ou intérieurs. Je répète, il a dit, l'adoration est un terme qui englobe tout ce qu'Allah azzawajal aime et agrée, que ce soit ce qu'il aime au niveau des paroles ou bien des actes, et qu'il soit extérieur ou intérieur. Donc, c'est d'après Cheikh l'Islam, rahimahullah. C'est ça, l'adoration. C'est quoi, c'est un terme? Naam, qui englobe tout ce qu'Allah Azzawajal aime et agrée. Que ça soit ce que tu dises ou que ça soit ce que tu fasses. Naam, et ce que tu fais, qu'il soit extérieur ou intérieur. Ce que tu fais par exemple avec tes membres ou ce que tu fais par exemple avec ton cœur. Naam, tout cela, si Allah Azzawajal l'aime et l'agrée, c'est une adoration. C'est une adoration. Et c'est une définition, Allah ibarak, elle est parfaite, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Cheikh dit, Cheikh Hafidullah dit, elle concerne aussi bien le cœur et la langue que les membres. La crainte et l'espérance, l'amour et la confiance, le désir et l'appréhension, par exemple, sont des adorations du cœur. Il a dit, le fait de dire Subhanallah, tasbih, ou bien La ilaha illallah, tahlil, ou bien Allahu Akbar, takbir, ainsi que la louange, alhamdulillah, et la gratitude faite par la langue et le cœur sont des adorations à la fois de la langue et du cœur. Ensuite, il a dit, la prière, l'impôt légal, zakat, le pèlerinage, le hajj, et le combat dans le sentier d'Allah Azzawajal, le jihad, constituent des adorations corporelles et du cœur. Et autres nombreuses sortes d'adorations qui requièrent la participation du cœur, de la langue et des membres. Naam. Donc, vous avez remarqué que ce que veut dire Cheikh ici, Hafidhahullah, c'est que l'adoration, tout ce qu'on fait, que ce soit par le cœur, ou que ce soit par les paroles, ou que ce soit par les membres, ou alors des fois, les deux à la fois, par le cœur et la langue, et des fois les cœurs, la langue, et aussi quoi? Et aussi les membres. Non. Donc il a cité quoi? Il a cité que, par exemple, la crainte, l'espérance, l'amour, la confiance en Allah, le désir, l'appréhension, tout cela, il a dit, ce sont des adorations, par exemple, du cœur. C'est pour ça que je voudrais que vous compreniez une chose importante, que j'essaierai de résumer comme ça en deux mots, si je puis dire. Non. On va dire que l'adoration aussi se divise. L'adoration se divise. Non. En des paroles et des actes. L'adoration se divise. Des paroles qu'on dit et des actes. Des actes qu'on fait. Et, non. Elle se divise en des paroles et en actes, et le cœur, on fait des adorations par le cœur et on fait des adorations avec le corps, avec le cœur, comme on aime, on craint, on fait confiance, ça c'est par le cœur. On fait des adorations avec le corps, comme faire tourner autour de la Kaaba, prier, donner de l'argent avec la main, ça c'est avec le corps. Donc je voudrais dire, tout à l'heure, j'avais dit que les adorations se divisaient par, il y en a des paroles, des actes. Taïb. Le cœur lui-même a ce qu'on appelle, yani, des adorations, ce qu'on appelle, yani, a'mal, des actes, et des adorations qu'on appelle aqwal, des cœurs. Le cœur lui-même, adorations qu'on appelle des actes du cœur. Et des adorations qu'on appelle les paroles du cœur. On veut dire par acte du cœur, l'a'mal du cœur. Il a confiance en Allah Azza wa Jal. Il dit Une seconde, Inch'Allah, on va commencer. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Fais saut. Alhamdoulilah. Une seconde, hein? Une seconde, on va commencer. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc je disais que le cœur lui-même avait quoi? Avait des paroles et des cœurs. On appelle ça, on dit des paroles et des actes. C'est pour ça qu'on dit les paroles du cœur. On dit aqwal qulub et les actes du cœur, a'mal qulub. Les actes du cœur, c'est comme ce qu'on a dit, l'espérance, la crainte, la peur, l'inaba, le khawf, et comme ça. Naam. Et les paroles du cœur, c'est ses croyances, ce qu'il croit, ce qu'il atteste. Il atteste qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, que Dieu est au-dessus du trône. Ça s'appelle les paroles du cœur. Quant aux actes du cœur, c'est ce qu'il fait. Même la peur, la crainte, l'espérance, la confiance, ça s'appelle les actes du cœur. Il faudrait bien comprendre parce que ça va venir après. On va lire des livres un peu plus compliqués. Non, mais ça va parler des paroles du cœur et des actes du cœur. Ensuite, il y a la parole de la langue, c'est ce qu'on dit avec la langue. Ensuite, il y a quoi? Il y a les actes du corps, les actes qu'on fait avec le corps, avec les mains, ce qu'on donne, avec les yeux, ce qu'on voit, avec les oreilles, ce qu'on entend, avec les jambes, les pieds, où est-ce qu'on va, et comme ça, avec les parties intimes, on les fait dans le halal, dans le haram, ce sont les actes du corps, du corps. Non. Donc en deux mots, l'adoration se divise en paroles et en actes. Il y a les paroles, il y a les actes. Non. Et les paroles, c'est au niveau du cœur et au niveau de la langue. Et les actes, c'est au niveau du cœur et au niveau des membres. S'il y a quelqu'un après, je vais lui demander de répéter ça s'il peut. Bi'idhnillahi ta'ala. Je réexplique très vite. Donc, il y a quoi? L'adoration, on peut la diviser en deux, en parole et en acte. En parole et en acte. Et la parole, il y a la parole du cœur, la parole du cœur et la parole de la langue. On avait dit que la parole du cœur, c'est ce qu'il attestait, les croyances du cœur. Naam. Et il y a la parole de la langue. Taïb. Reste maintenant les actes, car il y a la parole et les actes. Les actes, il y a les actes du cœur. Comme aimer, avoir confiance, craindre, etc. Naam. Et il y a les actes de quoi? Les actes des membres. Les actes des mains, ce qu'on fait avec la main, ce qu'on fait avec les yeux, les oreilles, comme ça. Taïb. Donc tout ça, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui-même dit, il dit que, par exemple, il dit les actes du cœur, les actes du cœur, et même les paroles du cœur, sont plus importantes que celles du corps, que celles du corps. C'est pour ça qu'on a expliqué plusieurs fois que, bon, je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui jette le Coran, c'est quoi? Il a fait quelque chose, c'est un acte du corps. Avec la main, il a jeté le Coran, c'est vrai. Mais est-ce que je peux dire de lui que c'est un kafir comme ça directement? Je dis, il a jeté le Coran, c'est un kafir. Ou bien je dois dire seulement, il a fait un acte de mécréance, ensuite j'attends. J'attends quoi? Je vois, qu'a-t-il fait avec son cœur? Naam. Qu'est-ce qu'il a attesté quand il a jeté le Coran? Il a attesté dans son cœur qu'il voulait avilir le Coran, il était contre le dîn et l'islam, ou bien il a jeté le Coran en croyant que c'était une revue. Il a cru que c'est une revue et il dit, j'aime pas cette revue à la maison. Et il l'a jeté. Ensuite, on lui a dit, regarde, c'est le Coran. Il a dit, Astaghfirullah, je savais pas, je croyais que c'était un livre. Un livre où il y avait même des choses qui sont pas bien. C'est pour ça que je l'ai jeté. Vous avez compris? Donc, le cœur, ce qu'il y a dans le cœur, prime sur ce qu'il y a dans ce qu'on fait avec le corps. Ou alors, Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, a bien jeté les psaumes. Ce que Allah Ta'ala a fait descendre sur lui. C'est-à-dire, c'est comme le Coran qui a été descendu sur le prophète alayhi salam. Moussa alayhi salam a bien jeté cela quand il a été dans un état de colère où il pouvait plus se contrôler. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ou bien a dit de lui qu'il est devenu kafir? Il lui a pardonné. Pourquoi? Il était dans un état de colère où il savait plus ce qu'il faisait. C'est pour ça que les savants disent que quand quelqu'un est dans un état de colère où il se contrôle plus, tout ce qu'il fait ne compte pas. Il jette le Coran, ça compte pas. Il dit tu es divorcé, ça compte pas. L'insulte, Allah subhanahu wa ta'ala, ça compte pas. Mais il est dans un état où il sait pas ce qu'il dit. Il est incontrôlable. Il a perdu le contrôle. Il peut insulter son père, il peut insulter sa mère, il lui dire des gros mots, il peut. Non, pourquoi il sait pas ce qu'il est en train de dire. El-Mouhim, c'est pour ça que j'ai dit une fois et plusieurs fois, j'ai dit que par exemple, qu'une femme qui ne mettait pas le voile, qui ne mettait pas le voile, mais qui reconnaissait dans son cœur qu'il était obligatoire. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la parole du cœur, la croyance du cœur, la parole de son cœur que le voile est obligatoire. Celle-là est mieux que celle qui a mis le voile et qui, dans son cœur, dit, ouf, moi je le mets juste comme ça, hein, sinon je ne crois pas à ce voile. Donc l'autre est mieux, celle qui ne l'a pas mis. Pourquoi? Celle qui ne l'a pas mis est musulmane. Elle a reconnu dans son cœur qu'il y a le voile, mais elle ne l'a pas faite par tentation. Elle a fait un grand péché. Tandis que l'autre ne l'a pas reconnu du tout. Elle n'a pas reconnu son statut dans son cœur. Il n'y a pas la parole du cœur par rapport au, yani, à la reconnaissance du statut du voile. Et quand même elle l'a mis, celle-là, elle n'est pas musulmane. Pourquoi? Elle n'a pas reconnu, elle a renié quelque chose d'obligatoire, même si elle a fait cet obligatoire. C'est très important, c'est très important. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah dit, rahimahullah, dit les actes du cœur, mais les paroles, des primes sur celles du corps. On revient ici. L'adoration dit cher, l'adoration dit cher, et la finalité par laquelle Allah Azzawajal a créé la création. Car Allah Azzawajal a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Le témoin, c'est quoi? Le témoin, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On n'a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. Pas pour autre chose. طيب الشيخ حفظ الله دي حفظه الله دي الله عز وجل nous a informé que la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes furent créés, c'est quoi? C'est qu'ils s'acquittent de l'adoration d'Allah عز وجل alors qu'ils n'en ont nul besoin. Alors qu'ils n'en ont nul besoin. Ensuite, remarquez avec moi quand Allah Ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si quelqu'un vous pose la question, pourquoi il a commencé par les djinns d'abord, ensuite il a dit et les hommes. Pourquoi il n'a pas dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent? Pourquoi il a commencé par les djinns? Je laisse la réponse aux admins, inshallah ta'ala. Si vous trouvez la réponse, vous l'écrivez, inshallah ta'ala. Al-Muhim, Cheikh Hafid Allah dit, ce sont plutôt eux qui ont besoin du égard à leur égard de nécessité vis-à-vis de l'Azzawajal. Ce sont au contraire les djinns et les ins qui ont besoin de l'Azzawajal. Et lui, il n'a pas besoin d'eux. Il l'adore en se conformant à sa législation. Et quiconque dédaigne adorer l'Azzawajal est arrogant. Et quiconque l'adore et adore autre que lui est associateur. Et quiconque enfin l'adore exclusivement, mais en ne se conformant pas à sa législation, celui-là est innovateur. Le véritable croyant monothéiste est donc celui qui l'adore avec ce qu'il a azzawajal légiféré. Je répète, c'est très important. Il a dit, il l'adore en se conformant à sa législation. Et quiconque dédaigne adorer l'azzawajal est arrogant. Et il est kafir aussi. Et quiconque l'adore et en même temps adore un autre que lui, c'est un associateur. Et quiconque l'adore lui, Azzawajal, tout seul, mais sans se conformer à sa législation, celui-là c'est un innovateur, même s'il a adoré Azzawajal tout seul. Enfin, le véritable croyant monothéiste, c'est celui qui adore Azzawajal parce qu'il a légiféré. Naam, tout faire, c'est ça. Les djinns sont créés avec les hommes, c'est pour cela. Naam. Wallahu ta'ala alam. Car comme vous savez que l'être humain, Adam alayhi salam, notre père, a été créé le vendredi à la dernière heure, juste avant le coucher du soleil. C'est le dernier à avoir été créé. Bi'idnillahi ta'ala. Tayyib, maintenant on va voir autre chose, inshallah. Les catégories d'adoration et son caractère exhaustif. Les catégories d'adoration et le caractère exhaustif de l'adoration. L'adoration est de plusieurs catégories. Elle regroupe toutes les sortes d'actes de dévotion qui se manifestent par la langue et les membres. Donc suivez bien, elle regroupe, comme on a dit, toutes les sortes d'actes de dévotion qui se manifestent par la langue et les membres et qui ont pour origine le cœur. Le cœur, tel que le rappel d'Allah Azza wa Jal, dhikr, le fait de dire Subhanallah, La ilaha illallah, la lecture du Coran, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, le fait d'ordonner le convenable et de condamner le blâmable, la bienfaisance à l'égard des proches, des orphelins, des nécessiteux et des voyageurs à court de moyens, ainsi que l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La révérence pour Allah Azzawajal et le retour vers lui. De même, lui vouer un culte exclusif, patienter par rapport à sa volonté, qadr, agréer ses arrêts, placer sa confiance en lui, espérer sa miséricorde et craindre son châtiment. Tout cela, ça rentre dans L'adoration. L'adoration englobe donc tous les faits et gestes du croyant si son intention est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal ou d'y contribuer. Je répète comme conclusion. L'adoration englobe donc tous les faits et gestes du croyant si son intention c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal ou d'y contribuer. Il dit, même les actes habituels qu'on fait par habitude, à partir du moment où l'on cherche à travers ces actes à se renforcer pour obéir à Allah Azza wa Jal, comme le sommeil, se nourrir, boire, acheter et vendre, rechercher la subsistance et le mariage, tous ces actes de la vie de tous les jours, s'ils sont accompagnés d'une intention de rapprochement envers Allah Azza wa Jal, deviennent des actes d'adoration pour lesquels la personne est récompensée. On s'aperçoit alors que l'adoration n'est donc pas limitée aux actes de dévotion propre. Vous avez compris, tout acte que le croyant fait, s'il le fait avec l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ça devient quoi? Ça devient une adoration et il en sera récompensé. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, il a dit, tu en seras récompensé. C'est-à-dire si la personne met l'intention que yani, il lui donne à manger yani, par adoration. Dans ce cas, s'il va chez le magasin acheter des choses pour sa femme et ses enfants, il met la niya de l'adoration, il aura des récompenses bi'idhnillahi azza wa jal. Donc regardez subhanallah l'alim, combien la niya joue un grand rôle et combien la niya peut t'aider et te faire rentrer de récompenses. Si seulement tu pouvais yani ne pas l'oublier. Imaginez nous par exemple les hommes ou bien les maris, combien de fois dans la semaine ils vont acheter pour la famille. Combien de fois il va chez le boulanger, combien de fois il achète le lait, combien de fois. Et pourtant, c'est très rare peut-être les occasions, les fois, où il va se dire dans sa tête ou dans son cœur que je vais faire ça par adoration pour que j'ai des récompenses. Subhanallah l'adim. Donc le vrai musulman, le vrai croyant, yani, l'habitude, il fait de sorte comment faire pour la rendre adoration. L'habitude, il essaie de la rendre adoration. Non. Est-ce que, comme dit Ibn al-Qayyim ou bien Ibn Taymiyyah, il dit que, yani, le vrai croyant, une habitude, il la rend comment? Il la rend adoration. Alors que les autres, qu'est-ce qu'ils font? L'adoration, ils la rendent habitude. L'adoration. Comme la prière, etc. Pour eux, ça devient de l'habitude. Comme le dhikr, par exemple, subhanallah, alhamdoulilah. Pour ceux, ils disent ça par habitude. Alors que le vrai croyant, l'habitude, il la rend adoration bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, présentation des concepts erronés quant à la définition de l'adoration. Présentation de conceptions erronées quant à la définition de l'adoration. Maintenant, on a vu c'était quoi l'adoration. Maintenant, c'est bien de connaître quoi? Les conceptions erronées pour les éviter. Quelqu'un qui connaît le bien, c'est bien, alhamdoulilah, de connaître le bien. Mais il faut connaître le mal aussi. Pourquoi? Pour l'éviter. Maintenant, tu connais seulement le bien, il y a quelque chose de mal qui va venir, tu ne la connais pas, tu ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Mais si tu savais que c'est un mal, tu l'aurais vite évité, bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Hafidahullah dit, les actes d'adoration ne sont que par texte révélé. Les actes d'adoration ne sont et n'existent, ne peuvent exister que par texte révélé, ce qu'on appelle tawqif. C'est pas des choses qu'on peut connaître par ijtihad. On dit celui-là, il est vraiment intelligent, donc, mashallah, donc, il va nous apprendre des adorations qu'on ne connaît pas. Non, ça n'a pas besoin de. Ça n'a pas de relation avec l'intelligence. Ça a la relation avec quoi? Avec le Coran et la sunna authentique, c'est tout. Donc, ce sont les adorations, les actes d'adoration sont des choses qui ont relation avec la révélation. La révélation. En ce sens, qu'aucune adoration n'est légale et acceptée que si elle est instituée par une preuve du Coran ou de la sunna authentique. Je répète, c'est pour cela qu'aucune adoration n'est légale ni acceptée que si elle est instituée par une preuve du Coran et de la sunna. Non. Donc, c'est pour ça que les savants disent, ils ont une règle, ils disent quoi? Ils disent l'asl fi l'ibadat al-havr. C'est-à-dire le tahrim. Ils disent quoi? Ils disent la règle ou bien la base. La base, c'est que toute adoration est interdite, sauf si tu as un dalil. Vous avez compris? Toute adoration est interdite. Tout ce que tu fais comme adoration, je te dis, c'est interdit et c'est pas accepté. Sauf si tu as un dalil. Donne-moi un dalil que Salat al-Dhuhr, c'est, par exemple, c'est à telle heure. Donne-moi un dalil que Salat al-Dhuhr, c'est 4 rak'at. Donne-moi un dalil qu'il y a une salat qui s'appelle Salat al-Dhuhr. Et comme ça, tout ce que tu fais, tu dis, je suis en train d'adorer Allah, je te dis, donne-moi un dalil. Donne-moi un dalil que Allah Ta'ala a dit, adorez-moi avec cette chose et de cette façon. Donne-moi un dalil que le prophète islam a institué cette adoration. Pourquoi? Car la base, c'est quoi la règle? La règle que toute adoration est nulle, sauf si tu as un dalil qui prouve que Allah Ta'ala l'a légiféré ou bien son prophète islam l'a légiféré. À cause de la règle, al-aslu fi al-ibadat ma huwa al-hadr. Naam, tahrim. طيب, c'est pour ça il dit tout ce qui ne remplit pas cette condition est considéré comme innocent. Naam. Tout ce qui ne remplit pas la condition comme quoi les adorations doivent être instituées par le Coran et la Sunna, sinon ça devient quoi? Ça devient une innovation. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il a dit: Naam. Le prophète alayhi salam a dit, quiconque accomplit un acte qu'on n'a pas ordonné, on n'a pas, c'est-à-dire ni moi je l'ai ordonné, ni Allah Azza wa Jal, alors cet acte est rejeté. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. La base c'est quoi? Toute adoration est nulle, jusqu'à ce que tu donnes une preuve que cet acte a été ordonné par Allah ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est-à-dire que son action est rejetée et non acceptée. Que du contraire, il en retire même un péché. Car il s'agit d'une désobéissance et non d'une obéissance. Vous avez compris? Imaginez qu'une personne, par exemple, je donne un exemple, c'est tout. Qu'une personne, par exemple, chaque mercredi, par exemple, à 15h de l'après-midi, elle fait 6 unités de prière. Et comme ça, chaque mercredi, s'il arrive par exemple 13h, 15h, elle se lève, elle dit, je fais 6 unités de prière. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, seulement pour Allah, c'est tout. On lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il y a une preuve qui dit comme ça? Il dit, oui, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il n'aime pas la prière. Allah ta'ala aime la prière, c'est lui qui a dit prier. Subhanallah, l'alim, comment vous dites? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, la base, c'est que toute adoration est nulle, sauf s'il y a une preuve. Donc, toi, tes 6 unités ici que tu fais sont nulles. Non? Sauf si tu vas nous donner une preuve dans le Coran, ou bien dans la Sunna, que le prophète alayhi sallam a dit, chaque mercredi, à 15h, faites 6 unités. Si tu peux nous trouver ça dans le Coran, dans la Sunna, on va te dire, mashallah, tu auras beaucoup de récompenses. Mais si tu peux pas prouver que ce que tu viens de faire se trouve dans le Coran de la Sunna, on va te dire non seulement c'est nul ce que tu fais, mais pire encore, tu as des péchés. Pourquoi? Tu as fait des désobéissances, c'est-à-dire une obéissance, c'est-à-dire tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala par quoi? Par tes tentations. C'est toi qui as inventé cette chose. Ou bien, bien sûr, c'est pas sûr que c'est toi. Peut-être que celui que tu imites, ou bien tes parents, ou bien, je sais pas, la société où tu vis. Al-Muhim, c'est une chose qui ne se trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Tu auras des péchés pour avoir fait cette chose qui n'est pas instituée à cause du hadith. Quiconque accomplit un acte à propos duquel il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire qu'on n'a pas ordonné, cet acte est rejeté. Cet acte est rejeté. C'est pour ça que on raconte qu'une fois l'imam Malik rahimahullah, ou bien un autre, ou bien un autre, non, quelqu'un, un savant, a vu quelqu'un prier entre salat, yani, disons salat l'asr et le maghrib, un peu avant le coucher du soleil. Un savant a vu quelqu'un prier avant le coucher du soleil. Non, 2, 4, 6, 8. Taïb, il lui a dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je suis en train de prier. Non. Il lui a dit, arrête. Non, ce que tu fais est haram. Il lui a dit, ce que tu fais est haram. Avant le coucher du soleil, tu pries nafila. L'autre lui a dit, il lui a dit, ah. Et il a dit, pourquoi? Il lui a dit, car le professeur m'a interdit. Il y a un hadith qui est authentique, vous savez. Il dit, pas de salat après le lever du soleil, après le fajr jusqu'à ce que le soleil se lève, et pas de salat après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Naam. L'autre lui a dit, l'autre, le prieur, il lui a dit, ah bon, Allah subhanahu wa ta'ala va me faire entrer en enfer car je prie et j'ai prié beaucoup, c'est-à-dire ironiquement. Ah bon, donc d'après toi Allah ta'ala va me faire entrer en enfer car je suis en train de prier 6-8 pour son visage, donc il va me rentrer en enfer. Le savant, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, naam, mais il va pas te rentrer en enfer à cause d'avoir prié. Mais il va te rentrer en enfer à cause d'avoir désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, pas de salat, pas de nafila jusqu'à ce que le soleil se couche. Et toi maintenant, yani, en priant, c'est comme si tu disais, je connais mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, c'est comme si tu voulais dire, je n'ai pas besoin, naam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux adorer Allah moi-même, sans passer par son biais. Naam, tout seul, je peux adorer Allah. J'ai pas besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses ordres, ni de sa sunna. Alors ça devient très grave. Ça devient très grave. Personne ne peut avoir le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il se met pas derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Aucune personne ne peut rentrer au paradis et encore moins avoir le ravissement d'Allah azza wa jal si elle ne se déclare pas quelqu'un qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne connaît rien si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui apprend la chose. Vous avez compris? Taïb, il est important de savoir que la voie correcte à suivre dans l'accomplissement des actes d'adoration légaux, c'est le juste milieu entre la négligence et la paresse d'une part, et l'exagération et l'excès d'autre part. Ça, c'est très important. Vous trouvez toujours la personne, elle n'est pas au milieu. Les gens qui sont au milieu, qui ont le juste milieu, sont peu nombreux. Ce sont les savants et ceux qui ont la science. Sinon les autres, ou bien il est négligent et paresseux, il fait pas ce qui lui est obligatoire, ou bien il exagère, il va de l'autre côté, exagère et fait ce qui ne lui est demandé. Mais rester au milieu, non, c'est difficile pour avoir de la science. Non. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, regardez le verset qui va suivre, ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla. Non, le verset, il a dit فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès, car vraiment il observe ce que vous faites. Donc c'est très important, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, c'est pas comme tu veux toi, comme il t'est commandé. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Et ne commettez pas d'excès. Il t'a demandé deux choses. De demeurer sur le droit chemin, comme il t'a été commandé. Ce n'est pas toi qui invente des choses. La première. Et la deuxième, de ne pas commettre d'excès. Et seulement ce qu'il t'a demandé, ce qu'il t'a été commandé. Naam. S'il t'a dit, tel jour ou là, tel moment, ou là devant la Kaaba, ou là on fait, par exemple, deux unités, tu n'en fais pas toi quatre. Tu dis pour que Allah t'aime même encore plus. Naam. Jazakallahu khair. Le hadith, il n'y a pas de prière après le fajr jusqu'à ce que le soleil soit levé. Il n'y a pas de prière après le asr jusqu'à ce que le soleil soit couché. Ici, pas de prière, c'est-à-dire pas de prière nafila qui n'ont pas de cause. Qui n'ont pas de cause. Quelqu'un, yani après salat al-fajr, naam, et il va dire, avant que le soleil soit levé, il va dire quoi? Il va dire, je vais prier 10. Comme ça, 9 il a. On lui dit non. Il n'y a pas de prière jusqu'à ce que le soleil soit levé. Et moi, maintenant, si maintenant il y a une cause pour la prière, on l'a fait. C'est comme par exemple quelqu'un qui va rentrer à la mosquée. Il va rentrer après le asr. Et le hadith a dit, il n'y a pas de prière après le asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Moi, je vais rentrer, je vais prier 2 unités à cause de la prière de la mosquée. Ça, c'est pas interdit. Pourquoi? C'est pas de la nafila mutlaqa. C'est ce qu'on appelle nafila zatu sabab. C'est une nafila qui a une cause. La cause c'est quoi? La cause d'être rentré à la mosquée. Ou bien, parce que j'ai fait des ablutions. Quant à salat l'istikhara, il y a une divergence. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, de préférence on ne la fait pas dans le moment où il est demandé de ne pas prier. Il a dit, sauf si c'est quoi? Urgence. C'est une urgence et je suis après salat. Naam, vous m'entendez pas? Est-ce que vous dites qu'on m'entendait pas? Vous dites qu'on m'entend pas. Alhamdoulilah. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmallah a dit, sauf s'il y a urgence. C'est par exemple salat al-asr et je dois rendre la réponse après salat al-maghrib. Donc j'ai pas de temps, je vais faire maintenant quoi? Salat istikhara, c'est-à-dire dans le moment d'interdiction, mais en mettant dans la tête que c'est une salade de cause. Et la salade de cause est permise bi'idhnillahi ta'ala. El mohim. Je suis en train de parler, bien sûr, des moments d'interdiction où il est interdit de prier Nafila. Sinon, si c'est pas un moment d'interdiction, c'est permis de prier. Si ce n'est pas un moment d'interdiction. Non, quand par exemple, disons vers 10h. Vers 10h, quelqu'un, ce jour du matin, va dire, je vais prier par exemple, aujourd'hui. Il prie. À condition qu'il ne fasse pas, comment on dit ça, tarsis. Qu'il ne fasse pas, par exemple, ils disent chaque mardi ou là, je prie 8 rakat. Et comme ça. Non. Sans que ce ne soit pas une habitude, disons. Il se lève et il prie 10, 20, 30 malish. Mais il n'organise pas ça. Non, ça ne devient pas une habitude et tarsis. Non. Cheikh Hafidallah dit, ce noble verset, le verset qu'on a cité maintenant. Je répète le verset. Je crois que c'est celui-là, Allahu alam. Voilà, celui-là. Ce verset, il a dit, a tracé la voie correcte à suivre dans l'accomplissement des actes actuels. Et cela, en s'en tenant dans la manière de les effectuer, à la voie modérée qui ne comporte ni laisser-aller ni excès. Le tout conformément à la législation. Il a dit, comme il t'est commandé, demeure sur le droit, comme il t'est commandé. Commandé, ça veut dire, en te référant à la législation, en te référant au Coran et la Sunna. C'est pas tu tires des choses de tête. Demeure sur le droit, comme il t'est commandé. Naam. Ensuite, la Ta'ala dit, et ne commettez pas d'excès. Et ne commettez pas d'excès. Naam. Après cela, il a dit, وَلَا تَتْغَوْ وَلَا تَتْغَوْ. Naam. J'ai oublié de citer le verset, c'est ça. وَلَا تَتْغَوْ. Ne commettez pas d'excès. Il a dit ici, Torien. Torien, c'est quoi? وَلَا تَتْغَوْ. Ne commettez pas d'excès. C'est quoi Torien? Le Torien signifie le fait d'outrepasser les limites par un rigourisme outrancier et un excès de zèle. Qui est l'excès. Naam. Allah Ta'ala a dit, وَلَا تَتْغَوْ. Attention, adorez-moi avec ma législation, ce que j'ai légiféré, mais sans faire d'excès, sans outrepasser les limites. Naam. Sans avoir un excès de zèle. Naam. Cheikh dit, Hafidallah, il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que trois de ses compagnons augmentèrent leurs actions, à tel point que l'un d'eux a dit, il a dit, je jeûnerai tous les jours. Je ne vais jamais manger pendant le jour. Tout le jour, je serai jeûneur. Et le deuxième a dit, je prierai et jamais je vais prier, jamais je vais dormir. Le troisième a dit, moi, je vais observer le célibat. Je ne vais jamais me marier. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, naam, il a dit, الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. البخاري 5063. C'est-à-dire, il a dit, alayhi salatu wa salam, après avoir su que ces trois avaient exagéré, il a dit, est-ce bien vous qui avez tenu de tels propos? Je jure par Allah mieux que vous et que je le crains plus que vous. Mais la nuit, je prie et je dors. Le jour, je jeûne et je mange et j'épouse les femmes. Quiconque se détourne à ma sunna n'est pas des miens. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une règle, il faut la... Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite quelque chose, ensuite il dit, celui qui fait cette chose et n'est pas des miens, les takfiriyoun ont dit il est kafir. Et Ahl Sunnah ou Jama'a ont dit il a fait un grand péché. C'est tout. Mais il est toujours musulman. Il est toujours musulman. Naam. Mais il ne fait pas partie de ceux yani, qui sont dans la perfection de mon chemin. C'est tout. Donc, si tu veux, toi, jeûner toute la journée et prier toute la nuit et ne pas te marier, ça veut dire quoi? Ça veut dire indirectement, tu prétends connaître Allah mieux que le prophète et l'aimer et le craindre plus que lui. Au point que tu dors pas la nuit et tu manges pas, tu manges jamais pendant la journée et tu n'as pas besoin d'être marié. Et toi, tu es mieux que le prophète qui était marié à 13 femmes. Allahu Akbar. Tayyib. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. On dénombre de nos jours deux catégories de gens se situant vraiment à deux opposés concernant l'adoration. La première catégorie, c'est la catégorie qui a restreint la notion d'adoration et fait preuve de négligence dans son accomplissement jusqu'à délaisser beaucoup de ses facettes. Elle a réduit l'adoration à certaines pratiques limitées et quelques actes cultuels qui s'effectuent dans la mosquée uniquement. Naam, comme ça, pour certains, c'est ça. Tu vas à la mosquée, tu pries des saintes prières, ou bien à la maison, alhamdoulillah. Ensuite, s'il vient le ramadan, tu fais le ramadan, alhamdoulillah. S'il y a le hajj, tu fais le hajj. Et c'est ça l'adoration. Et l'adoration. Et ensuite, quand tu sors dans la rue, tu veux. Vois ce que tu veux, entends avec tes oreilles ce que tu veux, et dis avec ta langue ce que tu veux, et va avec tes pieds là où tu veux. Si tu vas dans un bar, va où tu veux, prends avec tes mains ce que tu veux, touche ce que tu veux. Naam. Pourquoi? Il te dit, moi j'ai fait des saintes prières, alhamdoulilah, j'ai prié, je prie. Naam. Le shir dit, pour cette catégorie de personnes, il n'y a plus de place pour l'adoration à la maison, ni au bureau, ni dans le commerce, ni dans la rue, ni dans les règles qui régissent la vie sociale, ni dans la politique, ni pour trancher les différends, et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Pour ces gens-là, Al-Muhim, ce qu'on appelle un peu de nos jours les laïcs, écoute, tu veux adorer Allah? Naam, adore ton Dieu, c'est permis. Mais tu l'adores dans ta maison, ou bien dans sa maison à lui, la mosquée. Quand tu sors de la mosquée, c'est terminé l'adoration. On donne à César ce qui appartient à César, et on donne à Allah ce qui appartient à Allah, à Dieu. Comme ça ils disent. Quand tu es dans la mosquée ou bien maison, adore Allah, prie beaucoup, c'est bien. C'est bien de prier beaucoup, naam. Prie 20, 30, 30 unités, mashallah. Mais quand tu sors, il y a les lois. Il y a les lois de la République. Il y a les lois de la République qui commandent. Attention, c'est terminé. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils te disent l'islam, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ou alors ce qu'il y a dans la maison ou dans la mosquée, c'est tout. Hein? Dans la sphère privée. Mais quand tu sors, tu dois être commandé par autre chose. Ou alors tu es libre. Tu n'es commandé par rien. Il faut faire ce qu'on veut. Il est clair, dit le cheikh, qu'il y a un mérite particulier attaché à la mosquée et qu'il faut entre autres y accomplir les saintes prières. Mais l'adoration englobe la vie entière du musulman, aussi bien à la mosquée qu'à l'extérieur. Celui-là, qui dit comme ça, il y en a qui dit que c'est seulement dans la sphère privée, celui-là vraiment ne connaît pas l'islam. N'a rien connu de l'islam. Non, ne connaît rien de l'islam. Ça, il ne sait pas que l'islam, c'est quoi? C'est depuis que tu te lèves le matin. L'islam, c'est quoi? C'est soumission. Aslamt. Soumis. Depuis que tu te lèves le matin, tu dis Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dma amatana wa ilayhi an-nushur, jusqu'à ce que tu viennes le soir au lit. Et dire Allahumma Rabbi bismika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu wa namsikta nafsi farhama wa arsaltaha fahfadha kama tahfadhu ibadaka as-salihin. Donc, tout ce qu'il y a, tout ce que tu as fait entre ces deux dhikr, le dhikr du matin, le dhikr du soir, tout ce que tu as fait pendant la journée devrait être conforme à la sharia. Tout ce que tu as fait. Si tu as mangé quelque chose pendant la journée, on va voir. Est-ce que tu as mangé du halal ou bien tu as mangé du haram, tu as mangé du porc? Non, ou bien tu as mangé du halal. Tu as bu de l'eau ou bien tu as bu du vin? Tes yeux, tu as vu des arbres et des gens qui passent devant toi et tu as lu le Coran ou bien tu as vu les films de haram avec tes yeux, les films de haram? Ouais, qu'est-ce que tu as fait pendant la journée? Tu as entendu les choses que Allah Ta'ala aime ou bien les choses qui attirent sa colère, Azzawajal? Avec tes mains, qu'est-ce que tu as pris pendant la journée? Qu'est-ce que tu as touché? Tu as touché la main d'une femme si tu es un homme. Si tu es une femme, tu as touché la main d'un homme. Naam. Et un homme qui n'est pas mahram. Ou alors tu as touché une bouteille de vin. Oh, il n'a pas le, vous avez, j'ai dit le vin, vous avez entendu. Non, c'est pas le vin, c'est le lait. Le halib. Naam, le halib. Tayyib. Donc, ça défend. Là, il m'a fait rire. Donc, ensuite, voilà. Naam, pendant la journée, qu'est-ce que tu as fait? Naam, tu es un commerçant vendu. Tu as vendu des choses halal. Mais tu as vendu de l'alcool et le haram et de la drogue. Naam. Pendant la journée, tu as fait un acte de mariage. Tu es marié. Un mariage religieux. Ou là tu t'es marié, un mariage de kuffar. Naam. Avec une personne qui n'est pas permise dans le mariage. Comme les musulmans, soi-disant musulmans en France. Maria a un kafir, Maria a un nati, Maria a un chrétien, Maria a un... alors qu'elle est une musulmane. Naam. Et ça. Toute la journée, tu dois quoi? Chaque seconde, yani, qu'est-ce que je crois que tu as? Tu dois veiller. Tu dois être soucieux et veiller à ce que tu fasses et tu ne dises, et tu dois te surveiller pour ne voir, ne dire, n'entendre, ne faire, Azzawajal aime. Si tu fais comme ça, tu es vraiment un musulman, un soumis. mais Allah Azzawajal. Mais si maintenant tu dis que l'islam c'est seulement la prière et le la zakat, etc., ensuite quand je sors dans la rue, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je vois, je m'habille comme je veux, non, je m'habille comme je veux, j'entends ce que je veux, je vais où je veux, je suis libre et je suis musulman, je prie. Donc vraiment, vraiment, vraiment, tu n'as rien compris. Vraiment, tu n'as rien compris et vraiment, tu es loin. Et vraiment, tu es loin. Ça, c'est la première catégorie. La première catégorie. La deuxième catégorie qui est à l'opposé, qu'est-ce qu'elle dit? Celle-là fait preuve d'un rigorisme outre mesure dans le des actes d'adoption jusqu'à en arriver à l'extrémisme. Et cela, je crois, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle les extrémistes. Extrémistes, non. Cette catégorie a même élevé les actes recommandés au degré d'actes obligatoires. Cette catégorie de gens, les choses qui sont seulement mustahab, là, des choses recommandées et tout, cette catégorie, elle va dire, c'est obligé. Non, c'est obligé de mettre le qamis pour l'homme. C'est obligé de faire la prière Doha. C'est obligé de prier avec le siwak. C'est obligé. Non, des choses recommandées, c'est tout. Et il va les faire monter au quoi d'obligatoire. Ils te disent, c'est une obligation. C'est une obligation. Non. Et a interdit certaines choses licites et a catalogué comme égaré en erreur quiconque va à l'encontre de sa voie et la considère comme incorrecte. Naam. Cette catégorie est un peu plus dangereuse que la première. Car vite, elle te qualifie. Vite, elle te donne une étiquette. Tu dis, comment toi, vraiment, tu fais rien de l'islam. Tu es un laxiste. Toi, tu fais rien. Subhanallah al-Adim. Et pourtant, naam, les choses qui sont seulement recommandées les a rendues obligatoires. Alors que toi, tu n'es pas en train de faire des choses obligatoires. Alors qu'il ne sait pas que ces choses-là ne sont que recommandées, c'est tout. Ensuite, il dit, la meilleure des voies est la voie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des voies est l'invention dans la religion. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire apprendre notre religion et nous aider à la pratiquer correctement. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa atubu ilayk. Vous, dans 10 minutes, 15 minutes, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Donc, pensez à ouvrir vos PV min fablikum. Donc, pour les questions hors cours, c'est sur ce salon. Et pour les questions sur le cours, c'est sur le salon bis. Donc, min fablikum, ouvrez vos PV. Barakallahu fikum. Veuillez que les questions soient bien écrites et bien formulées. Barakallahu fikum.

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض السلام عليكم est-ce que vous m'entendez الحمد لله avant cela Je demande à certaines personnes si elles sont là, inshallah ta'ala. Je demande à la première qui m'avait posé la question sur la zakat, une autre qui avait posé sur sécurité, agent de sécurité, une troisième personne qui m'a envoyé un mail, ça fait quelques heures, c'est tout, sur la ruqya, une sœur, sur la ruqya qui parlait de exactement qui parlait de yani, j'ai dit moi que ça contenait beaucoup plus de mal que de bien. Et la sœur s'est étonnée, elle dit comment la ruya ça contient du mal. Elle voudrait des explications si elle est là. Et enfin pour une personne qui a parlé de elle dit je souhaitais savoir si j'ai bien compris, on croit aux attributs d'Allah Azzawajal, mais on ne les fait pas ressembler à sa créature. Ensuite, elle parle du trône aussi. On dit que Allah Ta'ala est, elle dit comme ça, est sur le trône, mais pas assis. Pouvez-vous m'expliquer si cette personne aussi est là, qu'elle me le dise, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlan, pour la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah, Cheikh, est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Première question, question d'une sœur. Pouvons-nous fixer un nombre de pages de Coran à lire individuellement et par jour pour motiver un groupe de personnes à s'habituer à sa lecture? Est-ce de l'excès? Voilà que là, on fait comme cher. Il y avait des ossements, des sauts, des coupures. Non, tu vas te donner Inch'Allah encore une fois. Alors, je reprends la question. Pouvons-nous fixer un nombre de pages de Coran à lire individuellement et par jour pour motiver un groupe de personnes à s'habituer à sa lecture? Est-ce de l'excès? Tafadhal Cheikh. Non, ce n'est pas de l'excès, à condition que la personne mette dans son cœur que ce n'est pas une adoration. Le fait de choisir, de dire par exemple, je vais apprendre par jour, yani tel nombre, 10 versets par jour, je vais les apprendre, ou bien je vais apprendre un ruba, ou bien un thumn, un quart, un huitième, par jour, par semaine, tout ça rentre pas dans la bid'a, et puis de se dire que c'est juste un moi, ce n'est pas une adoration que je suis en train de faire. Voilà, tfadlal. Ensuite, une chose importante que j'ai oubliée. Tout à l'heure, quand je parle de l'humilité, une seconde. Ici, une seconde. L'humilité et la soumission. L'humilité et la soumission. Là. Ça y est, ça coupe. Je sors et je reviens, Inch'Allah. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Tout à l'heure, dans le cours, quand je parlais que l'adoration, ça comprenait l'humilité et la soumission. Et moi, j'ai traduit humilité par ta'zim. Alors qu'on m'a corrigé que humilité, c'était tadhallul, pas ta'zim. C'était tadhallul. Je dis, na'am barakallahu fikum pour cette correction. Ensuite, j'ajoute, même si le ta'zim est un pilier de l'adoration. C'est un pilier de l'adoration, comme le mahabba, comme l'amour. Naam. Tfadlal. Pour la deuxième question, inshallah. Cheikh, nous avons vu dans le dals qu'il y a des paroles du cœur. Mais quelquefois, pour certains, il y a des waswas et des choubouettes dans le cœur concernant la aqidah. Cheikh, à partir de quel moment un waswas ou une choubouha devient une vraie parole du cœur? Et l'homme a-t-il des péchés s'il a des choubouettes dans la croyance? Jazakallahu khair. Tafadal, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Non, ce qu'on doit savoir, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'aucune personne, peut-être à part les messagers, parmi les gens et les musulmans aussi, ne peuvent, yani, prétendre qu'ils n'ont pas le waswas ou bien ne peuvent pas l'avoir du tout. Si on enlève les messagers de cette généralité, tu vas voir que toute personne doit avoir des waswas. Seulement ces waswas, naam, c'est-à-dire, grandissent et deviennent petits d'après, yani, la science que tu as, d'après la conviction que tu as. Et comme ça. Sinon, je vous l'ai cité plusieurs fois. Sinon, comme a dit Abdullah ibn Abbas, quand on lui a dit que les juifs prétendent ne pas avoir de waswas, il a dit naam, c'est vrai. Que va faire le shaitan dans le cœur d'un juif? Que va faire? C'est toute obscurité, ténèbres et innovation, etc. Le shaitan veut venir dans le cœur d'un croyant pour essayer de lui faire des problèmes, pour essayer s'il peut de le faire sortir de l'islam s'il peut, ou alors de lui annuler sa prière, ou bien s'il peut pas, il lui vient, s'il peut pas en éveil, il lui vient quand il dort. Il lui montre des serpents, il lui montre des souris, il lui montre la police en train de courir derrière lui, ou bien il tombe d'une montagne, et comme ça. Shaitan ne se laisse pas tranquille. Je dis à cette personne, je lui donne une règle qui me plaît beaucoup, que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah cité dans ses livres. Une règle. Que dit la règle? Aucune personne ne sort de l'islam sans sa volonté. Vous avez compris? Je ne sors pas de l'islam si je fais une chose en me trompant, si je fais une chose qui me dépasse, si je fais une chose que j'ai pas comprise, si je fais une chose qu'on m'a contrainte. Et comme ça, je sors de l'islam quand c'est moi, je décide. Quand pour entrer en islam, tu peux rentrer en islam sans niya? Non. Tu décides, tu réfléchis et tu dis, Shadun la ilaha illallah, Shadun Muhammad Abdu. Ça, je rentre en islam. La même chose pour sortir. Tu sais que cette chose fait sortir de l'islam et tu vas la faire sciemment. Naam. Sinon, on a tous dans nos cœurs des choses qui sont pas bien. Sur Allah, sur le prophète, sur le paradis, sur mille choses. Mais ces choses viennent et partent. Et à chaque fois qu'elles viennent, on essaie de les éloigner. Je crache sur mon épaule gauche, je l'ai été le coursi, et comme ça. Tant que tu refoules et tu fais le djihad pour refouler, je te dis, non seulement tu n'as pas fait de péché, mais encore tu as des récompenses. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Ouladina djihadu fina » Il a dit comme ça, il a dit ceux qui font le djihad sur notre voie, on va les guider, les guider et leur donner les issues. Donc, Inch'Allah Ta'ala, sois rassuré que tu n'es ni kafir, ni tu sors de l'islam, ni tu vas en enfer si tu as des waswas et que tu repousses autant que tu peux. Bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Concernant la prière de Asr, pouvez-vous nous dire s'il y a divergence? J'ai lu qu'il était permis de prier trois quarts d'heure après Al-Asr, les Nafila et au-delà, c'est interdit. Éclaircissez-moi, Barakallahu fik. Tafadal Cheikh. Naam. Il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le frère Ali a cité tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de salat après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Écrivez numéro 1 si vous êtes avec moi. Ou plutôt si je suis avec vous, c'est le contraire. Naam. Il faut écrire 1 si moi je suis avec vous. Sinon je suis... ça veut dire que j'ai pas de sang. Al-Muhim. Donc le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Pas de salat après le fajr jusqu'au lever du soleil. Pas de salat après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est une généralité, hadith global. Barakallahu fik, voilà le hadith. Et apporté par Bukhari Muslim. Bukhari 586, Muslim 827. Ce hadith est en train de parler. Est en train de parler des nafilas, pas des choses obligatoires. Ce hadith est en train de parler des prières surérogatoires, pas des prières obligatoires. Exemple. Quelqu'un s'est levé, qui n'a pas fait la prière du sobh, du matin, et il s'est levé alors que le soleil ne s'est pas encore levé. Est-ce qu'il va prier sa prière du sobh obligatoire ou bien il va dire non? Il va dire il y a un hadith qui interdit là, la salat jusqu'à ce que le soleil se lève. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dit tu pries. Pourquoi? Car le hadith parlait de la prière nafila, surérogatoire. Tandis que toi, tu vas prier l'obligatoire. La même chose pour le asr. Il a dit, il n'y a pas de prière après l'asr. Après l'asr, il parle de nafila. Sinon, quelqu'un qui n'a pas prié le dhuhr et qui se rappelle vers 18h, c'est après asr. Vers 18h après asr, il se rappelle qu'il n'a pas fait le dhuhr. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, je prends du hadith, je ne prie pas. C'est interdit? Ou bien il va dire, non, le hadith parlait de la nafila. Moi, je dois faire l'obligatoire. Et il va prier le dhuhr. Et c'est ça, yani, la chose la plus vraie. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, on a dit que, à part que, on faisait exception à ce hadith, on lui fait exception, on le chassis, on particularise, en ajoutant que, on peut prier la salat obligatoire, aussi, on a ajouté qu'on pouvait prier les salats qui avaient une cause. Comme quelqu'un qui rentre à la mosquée. Comme quelqu'un qui fait les ablutions. Et il a l'habitude, après chaque ablution, il prie deux rakat. Il ne dit pas je suis après l'asr ou bien je suis avant que le soleil se lève. Non. À chaque fois qu'il fait les ablutions, il fait deux rakat. Maintenant, on va ajouter une troisième chose. Hadith. Qu'on vient de lire maintenant. Il n'y a pas de prière après Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Il n'y a pas de prière après Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est un hadith global qui va être particularisé, yukhassas, par un autre hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib, Sheikh al-Albani rahim, Silsila Sahiha, tome numéro 1, a dit hadith authentique. Comme quoi, Ali ibn Abi Talib a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire pas de salat après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche, sauf, voilà, il a ajouté une chose, sauf si le soleil est blanc. Comme ça, il a dit, sauf si le soleil est blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va dire que le prophète a dit pas de salat après salat l'asr, mais il parlait quand le soleil devenait jaune et commençait à rougir et peut-être s'apprêter à se coucher. Sinon, quand le soleil est toujours blanc, il n'a pas de chose jaune ni rouge, je peux prier nafila même si c'est après l'asr et même si ça n'a pas de cause. Donc, quand je fais salat l'asr, après avoir dit السلام عليكم. يفعل التسبيح يجي له آية الكرسي يقول الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Ensuite je dis je veux prier deux rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien quatre. C'est permis. Pourquoi? À cause du hadith de Ali. Qui a dit que le prophète en était où? C'est quoi la dernière chose que vous avez entendu? C'est quoi la dernière chose que vous avez entendu? Je vous donne le micro si vous voulez parler vite. En fait, cher, on a entendu par rapport au hadith sur la salat, le soleil est blanc, donc le soleil est blanc, voilà. Donc le prophète a dit que, d'après Ali ibn Abi Talib, que c'est interdit de prier après l'As, sauf si le soleil est blanc. Et dans une autre version authentique, sauf si le soleil est propre, naqi, propre. Il n'a pas encore de choses jaunes ni rien, il est là blanc. Donc, la conclusion c'est quoi? Donc on rejoint la personne qui a posé la question et qui a dit j'ai entendu qu'on pouvait prier après Salat l'Asr. Jusqu'à trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. On lui dit oui, c'est vrai. Après Salat al-Asr, si tu veux prier Nafila, c'est permis à cause du hadith qui dit, sauf si le soleil est blanc, à condition que le soleil n'est pas encore jauni, ni qu'il soit devenu rouge. Fadal. Question suivante. Question d'une sœur. Pourriez-vous reprendre l'explication sur les paroles et les actes et donner quelques exemples, Inch'Allah. Barakallahu fik shir, qu'Allah vous récompense. Amin. Tafadal shir. Naam, je profite pour dire que j'avais demandé à quatre personnes si elles étaient présentes ou pas. Et cette personne qui veut savoir, j'explique un peu les actes et les paroles. Elle veut en général les actes et les paroles ou bien aussi les actes et les paroles du cœur. Fadlan. D'après ce que j'ai compris, mon cher, les paroles des actes et du cœur. Allahu a'lam. S'il y a précision, Inch'Allah, je vous le fais savoir. Tafadal, cher. Mais allez, si on explique les paroles et les actes du cœur et aussi du corps, mais allez, c'est des choses en plus, Inch'Allah ta'ala, qui nous aident, bi'idhnillah ta'ala, dans notre compréhension. Tayyib. Je suis avec vous. Est-ce que je suis avec vous? Alhamdoulilah. Donc il y a quoi? On a le cœur et on a le corps. Le cœur, c'est intérieur, ça. Et le corps, c'est ce qui est externe. Quand je dis corps, c'est ce qu'on fait avec les membres, avec les yeux, les oreilles, les mains, les pieds. C'est ce qu'on fait avec le corps. Et on a aussi l'adoration qui se divise en deux. L'adoration se divise en paroles et en actes. Les paroles, par exemple, quand je dis « Shahadun la ilaha illallah » ou bien je dis, je lis le Coran, l'âme, ou bien je dis à quelqu'un, par exemple, « Taqillah » pour condamner quelque chose de blâmable. Ça, c'est une adoration que j'ai faite avec quoi? Avec la parole. Et il y a les adorations de, des actes, les adorations avec les mains. Quand, par exemple, je prends le Coran, avec les yeux, quand je lis, je vois le Coran par exemple, avec mes jambes, quand je vais à la mosquée, avec tout mon corps, quand je prie, je monte et je descends, avec ma main, quand je donne de l'aumône, ce sont des adorations, des actes. Ce sont des adorations des membres. Je les ai fait avec mes membres extérieurs. Maintenant, puisqu'on a dit que il y avait les adorations avec la parole et les adorations avec les actes. Le cœur lui-même se divise en deux. Il fait deux sortes d'adorations. Il fait des adorations avec des paroles. Et il fait des adorations avec des actes. Avec des paroles, c'est les attestations, les i'tiqadat. C'est pas il parle, le cœur ne parle pas. Mais quand le cœur atteste, par exemple, qu'il y a un paradis, ça s'appelle une parole du cœur. Le cœur atteste, par exemple, que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, c'est une parole du cœur. Le cœur atteste qu'il y a un jour où on va rencontrer Allah, il a fait une parole. Parole du cœur. Le cœur atteste que Muhammad Aslam, c'est le dernier messager. Il a fait une parole du cœur. Ça s'appelle les paroles du cœur. Ce qu'il atteste, ce qu'il noue dans le cœur. Les paroles du cœur. Et le cœur fait aussi des adorations. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il le craint, il l'espère, il place sa confiance en lui. Tout ça c'est quoi? On appelle ça des actes du cœur, ce ne sont pas des attestations, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes du cœur. Donc le cœur lui-même a des paroles et a des actes. De même que le corps, il a des paroles, c'est-à-dire avec la langue. Quand tu dis avec ta langue des choses, hein, si ces choses sont aimées par Allah et agréées, ce sont des adorations. Et donc le corps, maintenant j'ai dit, il a les paroles et il a des actes. Les actes, c'est ce qu'il fait avec les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, et comme ça. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Si ce n'est pas clair, je suis prêt, Inch'Allah Ta'ala, à réexpliquer, vu l'importance de cette chose. Tfadlal. Il y a Tamallah qui vient d'expulser quelqu'un du salon. Il a dit, il me dit en whisper, cette personne met en garde contre vous en PV aux élèves et plusieurs se plaignent de cela. Naam, il y a des tekfiris qui rentrent, des ahbash, des tablir, des. Naam, et voilà, ils mettent en garde et ils viennent ici pour voir comment ça se passe et si c'est possible d'essayer d'embrouiller les choses. D'embrouiller les élèves, de leur envoyer des choses qui sont pas bien, de leur dire faut pas écouter, faut pas ceci, faut pas cela, le moyen pour que le dars n'aille pas bien. Alors là je profite pour dire une chose, une seconde. Pour donc c'est où, voilà. Toute sœur, et là j'ajoute tout frère, qui ne bloque pas les contacts, n'a pas le droit de se plaindre aux admins lorsque des intrus l'embêtent. Cette personne qui vient d'être bousée, pourquoi elle t'a embêté? Car tu avais les PV ouverts. Cette personne n'aurait jamais pu t'embêter si elle avait su que tu avais les PV fermés. Ensuite, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas fermer les PV. Ça, je ne comprends pas. Quand tu fermes ton PV, il ne te permet pas de vivre en exil. Là, tu es sorti, tu vis tout seul sur Mars. Non, tu es toujours en contact avec tes amis, mais seulement les amis de la liste. Ceux qui te contactent pour t'embrouiller, mais pour te poser des questions sur qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas compris, ou ceci, cela, d'où m'adish. Et même ceux-là, tu peux même les bloquer et dire non, j'ai envie seulement d'écouter le cours, mes amis, je discute après j'ouvre les PV. Donc ceux et celles qui ne ferment pas les PV, vraiment ça m'étonne. On me dit, certaines n'arrivent pas à fermer leur PV cher. Des sœurs. C'est comme les sœurs. Ça. Pourquoi ils ne peuvent pas fermer les PV? Tout faire. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ils ne peuvent pas fermer les PV? Pourquoi? Elles ne savent pas Je montre comment si elles savent pas. Problème avec nouveau Pal Talk. Allahu alam, Allahu alam. Moi personnellement, j'ai enlevé le nouveau Pal Talk. J'ai mis l'ancien. Je ne veux pas du nouveau Pal Talk qui me fait des problèmes et je ne peux même pas afficher des choses que je prépare dans mon programme. Donc moi-même j'ai enlevé le nouveau, j'ai mis l'ancien. Et bien sûr, c'est difficile le nouveau car ça met un problème. Naam. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de la nouvelle, la dernière version du Paltalk. Mais comme j'ai dit, quand tu vas enlever maintenant le dernier Paltalk, la dernière version, et tu vas essayer de mettre l'antérieure, celle qui était avant, il ne te permet pas. Car le Paltalk, au contraire, quand tu as une ancienne version, il te force, il veut te forcer à ce que tu mettes la nouvelle. Donc, je donne un truc ou quelque chose comme ça. Pour celui qui veut remettre la dernière, c'est même pas la peine d'enlever. Celui qui veut mettre une ancienne, c'est même pas la peine d'enlever. Ça, faut pas dire. Il faut juste quoi? Il faut juste faire restore. Restore. Il faut juste écrire restore. Là où c'est écrit, là où il y a démarré. Non, ensuite il va te dire, vous voulez faire une restauration? Vous voulez faire restauration? C'est écrit comme ça. Voulez faire une restauration, tu dis oui et il y a quelque chose à suivre comme ça de 5 minutes. Ensuite tu te trouves quoi? Tu trouves avec ton ancien Paltalk, si tu avais l'ancien. Non, donc j'allais dire non. تفضل pour une autre question inchallah. Question suivante, question d'une sœur. Ma mère m'a appelé le jour de Ashura en me disant que des gens lui avaient dit qu'il y avait une prière spéciale ce jour-là à faire et que c'était une prière importante à faire minimum une fois dans l'année. N'ayant jamais entendu cela, je me suis demandé si ce n'était pas une innovation. Elle m'a dit que c'était des gens instruits en religion de l'entourage, sachant qu'elle côtoie beaucoup de gens de l'innovation. Je reste sceptique sur ce propos. Qu'en est-il? Barakallahu fikum, cher. Tafaddal. Non, je rassure la sœur qu'il n'y a aucune salate, encore moins une salate importante ce jour-là, spéciale de Ashura, et que je rassure la sœur que sa mère fréquente, disons que sa mère fréquente vraiment des gens de l'innovation. Côtoie vraiment des gens de l'innovation. Et que, je vais t'ajouter encore une nouvelle chose, ta mère côtoie entre autres des Rawafid. Elle côtoie des chiites, des Rawafid. Ce sont eux qui ont inventé des prières et des dhikrs ce jour-là. Donc, yani, qu'elle fasse attention et essaye, Inch'Allah Ta'ala, d'être la cause que ta mère ouvre les yeux et s'éloigne de ces gens. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam, la question sur la personne sur la ruqya est là. Naam, tout à l'heure j'avais dit à une personne qui est là, alhamdoulilah, cette personne qui avait dit que son mari faisait la ruqya et que maintenant il a mal au ventre et que peut-être les djinns se sont vengés, etc. J'ai dit à cette personne que yani, si c'est possible que la personne ne fasse la ruqya, enfin je lui dis maintenant, ne fasse la ruqya qu'à elle-même ou qu'aux gens yani, qui sont dans le besoin. Je mets en garde toute personne qui fait de cette ruqya un métier et qui va yani, à chaque fois les gens vont venir prendre cette personne et la payer ou bien vont chez elle dans une maison, je sais pas, elle fait la ruqya, on la paye. Ça rentre dans l'innovation, comme on dit les savants, car les selfs n'ont jamais fait de la ruqya un métier. Quand quelqu'un avait un problème, il faisait ruqya, ça s'arrête là. Tout à l'heure, j'avais dit que cette ruqya, la ruqya en général, contient plus de mal que de bien. Pourquoi? Car la ruqya, quand quelqu'un va commencer et va la faire tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura jamais le temps d'apprendre sa religion. Tout le temps, à droite, à gauche, où est-ce qu'il est? Dans l'autre ville, dans telle ville, à droite, à gauche, chez telle femme, chez tel homme, chez tel... du matin au soir. Donc jamais tu n'apprendras ta religion, ni tu auras le temps d'ouvrir un livre. Deuxièmement, tu tomberas obligatoirement sur des fitnas. Tu es un homme, tu vas, il faut que tu tombes sur une fille. Il n'y a pas une fille, tu lui fais rien, une jeune femme, une fille. Et des fois elle n'est pas bien et ça donne la fitna au oudoubillah. Il y en a qui font, quand ils font ruqya, elle c'est une question par mail. Et justement par mail, donc si c'est pas elle, j'arrête. Si c'est pas elle, j'arrête. Si c'est pas elle, j'arrête. Demande à cette soeur, qui pose la question, si elle s'appelle Erika. Car je me rappelle d'elle, car ça fait seulement une heure ou là qu'elle a envoyé le mail. Si c'est pas Erika, c'est pas la peine. Taïb. Donc une autre question, inchallah, tfadlal. Non, Shira, elle me confirme, c'est pas elle. Hein. Question suivante, question d'une sœur. Je voudrais savoir dans quelle situation on sait qu'on outrepasse les limites. Est-ce que le fait de séparer fille-garçon à partir de 5 et 6 ans en faisait partie? Tafadal, Shir. Si celle qui a posé la question sur la ruqya n'est pas Erika, demande si c'est alors une personne qui a parlé de waswas dans la ruqya devant certains membres de la famille. Demande si c'est celle-là. Je dis, les enfants, c'est bien de commencer à les séparer quand ils sont jeunes pour qu'ils apprennent. Ça rentre pas dans le rouleau. C'est bien de leur commencer à apprendre, comment que les garçons jouent seuls et les filles jouent seules. Et quand ils ont 10 ans, maintenant ça devient obligatoire, même s'ils sont frères et sœurs. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, que ça ne rentre pas dans le rouleau et que les savants ont dit, même un enfant, un garçon, une petite fille, on commence déjà à leur apprendre, ou plutôt à ne pas les habiller avec des choses qui sont haram. Comme une fille de 6 ans, 7 ans, on va l'habiller par exemple avec une mini-jupe. Non. Pourquoi? Pour qu'elle déteste cette chose et ne la prenne pas toute petite. Sinon, elle va rentrer dans son cœur, elle va aimer cette chose et quand elle va grandir, il faut lui dire, il faut pas mettre ça, ça devient difficile. Mais déjà petite, elle commence à apprendre, ça c'est haram, ça c'est halal. On peut prendre ça d'où? Du had authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'une fois il était avec le Hussein ou bien Hassan, l'un des deux petits-enfants. Maintenant, c'est moi qui doute. Est-ce que c'est le Hassan ou bien le Hussein? C'est pas important. Ensuite, il a vu le Hassan ou bien le Hussein prendre une date. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit crr, crr, comme ça, deux fois. Ça veut dire, c'est un mot, là, une interjection arabe pour dire jette ce que tu as dans la bouche. Ensuite, il lui a dit, ne sais-tu pas que nous, la maison, c'est-à-dire la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne mangeons pas l'aumône. Donc il a dit ça à qui? Un enfant de 4, peut-être 5 ans. Il a dit, crr, crr, jette de ta bouche. Ne sais-tu pas que nous, on ne mange pas l'aumône? Donc voilà, très jeune comme ça, il a commencé à lui apprendre les règles de l'islam, qu'on ne mange pas l'aumône. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Naam. Donc elle dit, c'est bien celle du waswas. Je dis à la sœur qui a posé sa question, comme quoi elle sait que elle a besoin de ruqya, et elles sont des choses en elle, mais c'est comme si quelque chose la retenait, ou alors ne sait pas. Naam. Elle trouve des désagréments si elle fait la ruqya devant certaines personnes de la famille. Surtout si la personne dit que elles sont que certaines de la famille, la prennent même comme ennemi. Et même que disent d'elle du mal. et pensent en elles des choses mal, hein, surtout qu'ils ont rapport avec la sorcellerie, etc. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, si c'est possible de faire la ruqya sans leur présence, alors ce serait mieux, car si je sens d'eux qu'ils me veulent du mal, donc moi je voudrais, hein, cracher, yani quelque chose qui serait bien par rapport à moi, car je sais qu'ils vont me hasad. Comme a dit le prophète, il a dit, kullu zi ni'matin mahsoud. Il a dit, chaque personne qui a une ni'ma, il y a des gens qui lui font le hasad. Donc si eux, ils n'aiment pas cette chose, ils n'aimeraient pas par exemple que je guérisse, ils voudraient par exemple que je sois toujours comme ça, donc il faudrait mieux que je fasse ça en cachette d'eux, pour qu'ils ne me fassent pas yani, des embûches. Ça, si c'est possible dans le cas où je peux être avec yani, une soeur qui me fait la ruqya ou bien un frère, mais pas en tête à tête, qu'il y ait yani, un mahram de préférence, ou alors à la rigueur, pas en tête à tête dans la contrainte. Naam. Voilà, inchallah ta'ala, ce que je donne comme conseil. Maintenant, si ce n'est pas possible, il faut que je la fasse comme ça, yani en famille, n'touquel Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider, car je n'ai que cette solution. Et ensuite, je fais la ruqya, et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala yani, va faire la cause pour que je guérisse ce jour-là. Car eux, même mes ennemis, ne peuvent rien faire si quelqu'un qui fait la ruqya, mashallah, et yani, m'aide bi'idhni ta'ala à faire sortir de moi ce que j'ai. Même mes ennemis, s'ils sont avec moi, ils ne peuvent pas arrêter le djinn pour qu'il ne sorte pas, ou bien, vous comprenez. Allah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te donner une issue favorable et te guérir, toi et tous les musulmans et toutes les musulmanes, bientôt et incessamment, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fadal. Question suivante. Question d'une sœur ou un frère, Allahu a'lam. Vous avez parlé du fait de faire des actes d'adoration qui sont devenus habituels sans mettre l'intention que c'est pour Allah. Par exemple, le fait de faire ces invocations du matin et du soir, est-ce que on est quand même récompensé ou pas? Et quel conseil pouvez-vous nous donner afin de se dire tout le temps que c'est pour Allah, comme le fait de subvenir aux besoins de sa famille? Barakallahu fikum cher. Tafadal. J'ai pas compris la deuxième. T'as la famille. Si c'est possible de répéter, mais seulement la deuxième, inchallah. Naam cher. Quel conseil pouvez-vous donner afin de se dire tout le temps que c'est pour Allah, comme le fait de subvenir aux besoins de sa famille? طيب pour la première c'était quoi Amloula? Écris-moi un mot pour la première c'était quoi? Naam, j'ai compris pour la première, khlas. Chouf, Cheikh Ben Outaymin rahimahullah dit que toute adoration il faudrait bi'idhni ta'ala essayer à chaque fois quand on va la faire. Essayez, si c'est possible, d'invoquer, c'est quoi son délit. Il a dit, comme ça, tu vas la faire, comme quoi c'est une adoration, pas une habitude. Exemple, je donne un exemple très simple. Faire le wodo, c'est une obligation, d'accord. Maintenant, nous, on le fait comment? On le fait presque par habitude, ça, c'est le moment. La salle de bain, bismillah, et tu commences. Mais d'après Cheikh Ibn Uthaymin, avant de commencer le wudu, tu te dis dans ta tête, naam, maintenant je vais faire le wudu, car le wudu c'est un moyen pour yani, faire la prière. Ensuite, quand tu commences au wudu, bismillah, tu commences à faire le wudu, tu te rappelles le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, quand tu passes l'eau dans ta bouche et tu craches, toutes yani, les siyyat, tous les péchés que tu as fait avec ta bouche vont s'annuler. Quand tu mets l'eau sur ton visage, tous les péchés que tu as vus avec tes yeux par exemple sont annulés. Avec ton nez, tout ce que tu as senti du haram, là, ça va s'annuler. Quand tu arrives à tes oreilles, si tu as entendu quelque chose de haram, là, et comme ça. Donc là, tu ne vas plus faire le wudu comme d'habitude. Tu fais le wudu, yani, vite comme ça, en pensant genre, je ne sais quoi. Là, j'essaie de lier le wudu avec son hadith. Non, pourquoi je fais le wudu et quels sont les avantages du wudu et quels sont les fruits du wudu. Comme ça, tu vas sentir que c'est machallah. La même chose pour la salat. Quand tu vas prier, tu te dis Alhamdulillah. Maintenant, quand je vais dire Allahu Akbar, je vais parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son visage en face de moi. Et maintenant, je me rapproche de lui. Et le prophète Hassan m'a dit que il n'y a pas une personne qui puisse être plus proche d'Allah comme celui qui est sajd, qui est prosterné. Donc quand tu te prosternes, tu penses aussi à cela. Tu dis maintenant, Allah Iberg, je suis très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Hassan m'a dit que profitez des doigts quand vous êtes dans le sujoud. Donc attends, je vais faire des doigts. Et comme ça. La même chose maintenant, on revient pour la question, la même chose pour le dhikr. Le dhikr, il y a le dhikr du matin et le dhikr du soir. Et toi, avant de commencer le dhikr, tu dis, bon, moi, je vais, dans ton cœur, je vais faire le dhikr, alhamdoulilah, je connais le dhikr, le professeur nous a appris le dhikr, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui le font pas, c'est une ni'ma qu'Allah Ta'ala m'aide, que je sais qu'il y a le dhikr, et ça va m'aider à ce que les shayatins vont s'éloigner de moi, ça va m'aider beaucoup de problèmes à les résoudre, bi'idhnillah Ta'ala, les résolver, et comme ça, naam, toujours, avant de commencer une chose, essaye de la lier avec, yani, ce qui a rapport avec elle dans les délits et ses récompenses et ses fruits et comme ça. Et ensuite, si tu oublies, maintenant que tu as commencé le dhikr, tu t'oublies, des fois tu dis que le subhanallah, subhanallah, sans méditer ou la malish. Malish, tu peux pas être présent du début jusqu'à la fin. Mais au moins au début, essaie à la rigueur, yani, de méditer sur l'adoration avant de la commencer, inshallah ta'ala. La même chose maintenant, on revient pour... la personne qui, par exemple, quand elle va acheter des choses, etc., même si c'est une femme qui travaille, par exemple, qui a de l'argent et qui achète pour ses enfants, etc., non, elle aussi, si elle met dans l'intention, elle se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui dit que lorsque tu mets la bouche et dans la bouche de ta femme, tu as. Donc, si elle se rappelle ce hadith et va acheter dans ce sens, j'achète pour mes enfants et pour la famille dans le but d'avoir des récompenses, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala va lui donner des récompenses en plus des récompenses que quand elle achète normalement, car quand tu achètes pour ta famille, pour cela déjà en général tu as des récompenses car tu es en train de subvenir à eux. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner des ajr pour avoir aidé, yani, des gens à manger, à boire, ce sont des, même si ce sont tes enfants et ta femme. Et maintenant, si tu présentes le hadith dans ton esprit, c'est encore mieux. Tu en auras beaucoup plus que celui qui n'a pas présenté le hadith. Je dis à cette personne, chacun de nous essaie, inshallah ta'ala, même si je sais qu'on oublie beaucoup. Moi, je vous dis comme ça, et demain, je vais chez le boulanger, j'oublie. Des fois, c'est quand je sors, je marche, je dis, subhanallah, j'ai pas pensé à cela. Sinon, avant de rentrer chez le boulanger, j'aurais mis l'idée. Mais c'est trop tard. Mais alhamdoulilah, chaque fois que la personne se rappelle, qu'elle fasse. Allah Ta'ala dit, ftaqullah mastata'tum. Quand tu ne te rappelles pas, c'est pas grave. Tu n'as pas fait de péché. Tu n'as pas fait de péché. Donc ça, c'est une leçon pour nous. Pour qu'on soit incité toujours à avoir le cœur présent. Ne pas être distrait et soucieux. Là, en train de dormir. Tu as ton cœur qui dort. Non. Il faudrait faire des efforts pour le réveiller. Pour le réveiller, être toujours sur le vif. Là, tafadhal. Alors, prochaine question. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum ya cher pour le temps que vous nous accordez. Voici ma question. Lorsqu'une personne fait un acte d'adoration, et ceux que ses parents décédés, est-ce que ses parents décédés, pardon, bénéficient aussi de la récompense de cet acte? Doit-on avoir une intention particulière? Shir, est-ce que vous pouvez, min fadlikum, m'accorder un petit moment en privé afin de vous poser une question? Si vous n'avez pas le temps ou vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, Shir. Barakallahu fik. À part que, voilà, à part ce qu'a demandé la personne en privé, à part cela, il y avait deux questions ou bien une seule? Écrit un ou deux. Ah voilà, il y avait une question ou deux? Deux, je te donne le micro pour la deuxième, je ne l'ai pas entendu bien. Fadal. Donc alors, cher, la première question, il dit, lorsqu'une personne fait un acte d'adoration, est-ce que ses parents décédés bénéficient aussi de cette récompense, c'est-à-dire de l'acte? Et deuxièmement, doit-on avoir une attention particulière? Non, ça n'a pas besoin d'une niya particulière. Ça n'a besoin d'une niya particulière. Non, si les parents, je dis bien, si les parents, quand ils étaient vivants, étaient yani, ravis de ce que tu faisais, et surtout s'ils étaient la cause en ce sens que ce sont eux qui t'ont poussé à prendre la religion, ou du moins, si t'ont pas poussé ou l'homme, ça, ils étaient ravis, ils aimaient ce que tu faisais, etc. Inch'Allah ta'ala, qu'il y a une part qui leur arrive. Contrairement à ce qu'ils s'ils étaient contre. Ils n'aimaient pas ça, etc. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur donne rien. Mais si par contre, ce sont eux, par exemple, qui t'ont aidé à apprendre le Coran, à apprendre le din, à aller assister au cours, te laisser, etc. Inch'Allah ta'ala, ils prennent une partie avec toi pour avoir été la cause. Car c'est toi, ce sont eux qui ont été la cause d'abord en te faisant venir dans ce monde, bi-idhnillahi ta'ala, et la deuxième en t'exhortant à apprendre. Donc, yani, ils ont, inshallah ta'ala, des ajr avec toi sans la niya, sans que tu mettes dans la tête que yani, tu dois faire quelque chose pour que ça leur arrive. Wallahu ta'ala alam. Quant à la question privée, donne à cette personne mon adresse mail, et qu'elle m'écrive inshallah ta'ala ce soir, et qu'elle me dise c'est moi la personne du Pal Talk. Sinon, yani, j'ai des invités avec moi. Tfadlal. Très bien. Donc, question suivante, question d'un frère. Hassan Allah ilayk ya Cheikh, y a-t-il un moment de la journée durant lequel il est préférable de faire une salat janaza? Ma question fait suite à des pratiques qui existent en Algérie. Certaines personnes attendent la prière du Asar pour la Salat Janaza. Cette pratique provient du fait que les personnes de cette région travaillent durant la journée et pour rassembler du monde. Il fallait attendre que les personnes rentrent du travail, bien que les gens ne passent plus autant de temps au travail à cette époque. Est-ce une bonne pratique? Quel conseil donnez-vous? Quel conseil pouvez-vous nous donner, Cheikh Barakallahu Fik? Moi je dis au contraire, après Salat al-Asr, yani la janaza, le fait d'enterrer le mort, ça devient déconseillé. Il y a trois moments où c'est déconseillé d'enterrer quelqu'un. C'est les trois moments où il est déconseillé de prier aussi la nafila. Donc, je dis à cette personne, c'est pas bien de laisser après Salat al-Asr pour l'enterrer, sauf bien sûr si quoi? Si on est dans la contrainte. Sinon, le mort, on doit appliquer avec lui le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit quoi? Qui dit que, yani, empressez-vous hâtez-vous de quoi? D'enterrer vos morts. Si c'est quelqu'un de bien, donc il va rencontrer quelque chose de bien. S'il était quelque chose de mal, donc c'est un mal que vous enlevez de vous éloigner de vous éloigner de vos coups. Donc c'est comme ça, inchallah ta'ala, dans la sunna. Mais malheureusement, maintenant, de nos jours, des fois le mort reste toute la journée jusqu'au lendemain dans la maison. Pourquoi vous ne l'avez pas enterré? On attend son oncle qui est en France. Il va venir. On attend sa tante qui est en Allemagne. Elle va arriver demain. Donc ils ne vont pas l'enterrer jusqu'au lendemain. Et ceux qui ne l'ont pas enterré auront des péchés Yom al-Qiyama. Ils paieront Yom al-Qiyama pour avoir retardé le mort de rencontrer son Seigneur qui l'a créé. Ils vont avoir des péchés demain Yom al-Qiyama. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Donc là, on va passer aux questions hors cours. Donc, première question. Salam alaikum, désolé. Donc la question, maintenant c'est une question hors cours. Donc la personne, c'est une sœur qui dit Assalamu alaikum, concernant le dernier annuatif de l'islam, le fait de se détourner de la religion d'Allah, ne pas. Est-ce que vous m'entendez? Là, j'ai mes petits soucis de. Il y a du son? Cher, m'entend? Est-ce que vous êtes là, cher? Je pense que cher ne doit pas m'entendre. Alhamdulillah. Donc, je recommence. Question d'une sœur. Assalamu alaikum. Concernant le dernier annuatif de l'islam. Le fait de se détourner de la religion d'Allah, ne pas l'apprendre ni la pratiquer, comment concilier entre les tekfiris qui rendent mécréants beaucoup de gens et cet annulatif, vu que la plupart des musulmans n'apprennent pas leur religion? Pourriez-vous m'expliquer mieux cet annulatif et quel genre de personnes cela concerne? J'ai compris qu'il voulait des explications sur l'annulatif du fait de ne pas apprendre sa religion. Mais ce que j'ai pas compris, c'est ce qu'il a dit par rapport au tekfirion. Si c'est possible de répéter, inshallah ta'ala, ou bien de m'expliquer la relation. Tfadhal. Donc, en fait, la sœur demande par rapport au dernier annulatif, Naam. Après, elle dit comment concilier entre les tekfiris qui rendent mécréants beaucoup de gens et cet annulatif, vu que la plupart des gens n'apprennent pas leur religion. Pourriez-vous m'expliquer mieux cet annulatif et quel genre de personnes cela concerne? Donc, apparemment, par rapport au fait que détourner de la religion d'Allah, c'est-à-dire ne pas apprendre ni la pratiquer, cela fait partir de l'annulatif. Donc elle dit comment concilier entre les tekfiris qui eux rendent mécréants tout à bout de champ les gens et beaucoup de gens qui n'apprennent pas leur religion. Donc je ne sais pas si vous m'avez compris. Est-ce que tu m'entends? Là, j'ai pas compris, mais je pose une question et là, tu me confirmes. Est-ce que celui qui a posé la question veut dire que si, est-ce qu'il veut dire ça? Il veut dire si on va suivre la logique des tekfiriyin, c'est-à-dire donc tout le monde est kafir, parce que la plupart sont des kuffars, parce que la plupart n'apprennent pas leur religion, donc ça veut dire que les takfiriens ont raison. Est-ce qu'il veut dire comme ça? Les takfiriens donc ont raison, car yani, voilà, c'est ça. Non. Tu es sûr que c'est ça? D'où tu sais que c'est ça, toi? Confirme que c'est ça, Inch'Allah. Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. C'est comment faire la différence. C'est comment faire la différence entre les tekfirines qui rendent mécréants, vite les gens, et par rapport à cet annulatif sur le fait que les musulmans n'apprennent pas leur religion. Donc, en fait, il comprend pas, il voudrait des explications par rapport à cet annulatif. Et il demande d'ailleurs, il stipule, et quel genre de personnes cela concerne. Est-ce que vous m'avez compris, cher? D'accord. Alhamdoulilah. Chauffe. L'annulatif dont on a parlé, nous, c'est se détourner complètement et s'en foutre, comme on dit. L'âme dit, je m'en fous de cette religion, ne me parle pas d'elle, j'ai pas envie de la connaître, ni d'apprendre, ni. Celui-là, il est kafir, a'oudou billah. L'âme. Il ne veut ni apprendre pour savoir comment prier, pour savoir quel est le halal, quel est le haram. Il te dit non, laisse-moi comme ça. J'ai pas envie d'apprendre, je veux vivre comme ça. Je veux vivre ma vie. Je veux faire ce qui me plaît. Je veux suivre mes tentations. A'udhu billah. Et d'ailleurs, même cette règle, si on va l'appliquer, il se détourne. Les takfiris, par contre, ils ne disent que quelqu'un est kafir. Que spécialement, s'il ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est tout. C'est ça un tekfiri. Un tekfiri, c'est quoi? Tekfiri, il te dit le gouverneur est kafir et le peuple est aussi kafir s'ils le suivent. Naam. D'ailleurs, si on applique cette règle sur les tekfiri, eux-mêmes, peut-être qu'ils vont devenir kuffar. Parce qu'eux-mêmes, ils se détournent de la religion et n'apprennent, ils ne savent de l'islam que ça. Un tekfiri, est-ce qu'il peut discuter? Rien. Il a seulement X des gens est kafir. Et celui qui le suit est kofar, du matin au soir, c'est tout. Donc nous, ce que je voulais dire, l'annulatif, c'est de s'en détourner complètement. Mais de même dans le cœur, d'avoir presque une haine. Et de dire, moi, j'aime pas apprendre, et j'aime rester comme ça, j'aime suivre ce qui me passe par la tête. J'aime pas que ni Allah, ni son prophète, ni rien, ne m'apprennent une chose. A'oudou billah. Ils s'en détournent complètement. Naam. تفضل والله تعالى اعلم Donc deuxième question hors cours. Alors, question d'une sœur. Assalamu alaykoum wa rahmatullah cheikh. Qu'Allah vous préserve. J'ai une question sur le travail de la femme. En raison de la pression de ses parents qui la persécute pour son dîn et refuse de subvenir à ses besoins, une sœur a trouvé un travail où elle peut garder le djilbab shar'i. Mais par contre, il y a parfois de la mixité. Est-ce considéré comme un travail illicite? Ces doa sont-elles rejetées par Allah? Peut-elle utiliser l'argent qu'elle gagne pour faire la hijra ou pour aller étudier? Sinon, que doit-elle faire de cet argent? Pourriez-vous, Yachir, faire des doa pour moi pour qu'Allah me facilite le mariage? Car vraiment, je suis très éprouvé par ma famille et ma situation. Qu'Allah vous récompense et barakallahu fikum pour votre réponse. Mahmoud, est-ce que tu viens de recevoir cette question maintenant? Est-ce que tu viens de recevoir cette question maintenant? Tu l'as reçue quand? Car cette question, on me l'a posée hier et j'ai répondu. Je me rappelle très bien de cette question et je me rappelle très bien de sa réponse. Donc, tu as reçu peut-être une question d'hier. Naam, pour bien vérifier, voilà, cette question m'a posé hier et j'ai bien répondu à cette question avec des détails. Ben. Donc maintenant vous avez terminé les questions d'aujourd'hui, vous êtes passé aux questions d'hier. Bon, pas d'hier, c'est-à-dire dernier cours. Donc maintenant, Naam, tous ceux qui lèvent la main, khlas, on a terminé avec eux et maintenant on passe, inchallah ta'ala, au dernier cours, Naam. Ah, cher, vous m'avez bien fait rire. Donc, en fait, non, je l'ai reçu juste après le cours. J'étais chercher les questions et c'était la deuxième personne qui avait la main levée. D'ailleurs, elles ont baissé les mains, ces personnes-là. Ces personnes-là ont baissé les mains. Donc, j'ai reçu cette question. Et alhamdoulilah, je suis bien content parce que je vois que Mousseline est arrivé. Donc, Inch'Allah, il va reprendre la main, bi'idhnillah. Donc, voilà. Donc, c'était une question exactement qui a été bien posée. Juste tout à l'heure hein, et non hier. Donc voilà, je passe à la. D'accord. Non, pour que tu saches que prendre le micro dans le salon et poser des questions, c'est pas facile. Ça attire des ennuis, ça, ou là là là, c'est pas facile. Maintenant, je vais me retourner sur la sœur qui a posé la question. Toi, j'ai fini avec toi. Là, maintenant, je vais me tourner sur celle qui a posé la question pour la blâmer et lui dire. Eh, Ourté, tu as posé cette question il y a 2 jours. Et j'ai répondu avec tous les détails. Et toi, Naam, tu as laissé comme ça la main levée et tu es parti je ne sais où dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as préparé? Un gâteau, un jus, des fruits, etc. Et moi, tu m'as laissé là en train de parler tout seul. J'ai dit, le hadith a dit, Allah a dit, le prophète a dit, les sahaba ont dit, ceci, cela. Naam. Et maintenant, après avoir bien mangé le gâteau, bien bu, naam, tu es revenu. Savoir, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il va dire. La sœur ne savait pas, elle dit qu'elle n'était pas là. Oui, elle n'est pas là, exactement. C'est ce que je dis. Justement, c'est ce que je dis, elle n'était pas là. Elle est revenue aujourd'hui. Donc elle a posé la question à 2 jours et elle est revenue aujourd'hui. Taïb. Akh Muslim, est-ce que tu te rappelles la réponse? Tfadl. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme tu l'as dit, Fawzi, je viens d'arriver à l'instant. Je n'ai pas entendu de la question. Je ne peux pas me permettre de répondre. Normalement. Tfadal. La réponse, quand j'ai répondu, c'était assez long. Je ne peux pas répéter ça. Inch'Allah ta'ala, la réponse sera sur le site bientôt. Sera sur le site bientôt. J'avais dit que quand une personne était dans la contrainte, qu'elle pouvait travailler et que quand elle travaille dans la contrainte, que son argent était halal, j'avais dit pourquoi. Et j'avais parlé pour la mixité, j'avais cité un fichier de Cheikh Ibn Outaymin rahimahullah qui a montré que des fois, quand on est dans la mixité, des fois on est dans la contrainte et comme ça, c'est pour ça que c'est assez long. Je dis, Inch'Allah ta'ala, qu'elle peut entendre la réponse sur le site bi'ilna ta'ala et qu'en général que yani elle était excusée ou Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl. Donc, prochaine question. Prochaine question. Alors, 2 secondes. Enfin. Donc, une question d'une sœur. J'aimerais savoir si lors du contrat de mariage, les deux témoins doivent être des mahrams et si le tuteur fait partie des deux témoins. Ou est-ce qu'il faut deux témoins plus le tuteur? Jazakallahu khair. Et Muslim, ouvre-moi tes PV, min fadlik. Jazakallahu khair. Chauffe, pour les questions, ça m'a rappelé une chose, yani, chauffe, j'ai un frère ici, Un frère ici en Algérie, alhamdoulilah, yani, mashallah, c'est beau qu'elle que le zikallah ahadan, qui a un doctorat dans la charia. Quand il donne des cours, quand il termine le cours, des gens, il s'assoit comme ça dans la mosquée, les gens lui envoient des bouts de papier sur lesquels c'est écrit des questions. Vous comprenez? Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un, quand il avant de lire la question, quand les bouts de papier arrivent, quand il prend un bout de papier pour lire la question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez, alhamdoulilah. Quand il prend un bout de papier pour lire la question, il demande, est-ce que, bon, il lit le début ou bien il dit, si on parle par exemple de Salat al-Duha. Qui est celui qui a posé cette question qui lève la main? Ensuite, moi je me suis étonné, j'ai dit, pourquoi il dit comme ça? Normalement, il lit ce qu'il y a dans la question et ça s'arrête là. Ensuite, quelqu'un m'a expliqué. Il m'a dit, parce qu'il y a des gens qui, naam, ils imposaient des questions, mais un peu pour faire des fitnas. Lui, mais il veut pas qu'il sache que c'est moi qui ai posé la question. Donc maintenant, quand il t'oblige, il te dit, lève ta main pour que je lise ta question. Il commence le début, je te dis, si tu es là, lève ta main. Tu lèves pas la main, je dis pas la question. Donc maintenant, tu as peur. Tu as peur, tu dis donc, quand j'écris une question, je la pose, je dois prendre la responsabilité de dire, c'est moi qui ai posé cette question. Donc ceux qui veulent faire des trucs comme ça, là, ils peuvent pas poser leurs questions. Donc, ce que je voulais dire, c'est que yani, dans le fait de poser des questions, il y a aussi des adab. Il y a des adab, ça. Quand je pose ma question, j'attends la réponse. Si je suis pas sûr même, de pouvoir rester pour écouter la réponse, il vaut mieux que je pose pas la question. Pour que, d'un côté, celui qui répond ne parle pas dans le vide, et de l'autre, pour que je ne prenne pas du temps aux autres qui sont présents et qui veulent poser leurs questions. Al-Muhim, dans le mariage, le tuteur, il doit y avoir deux tuteurs et deux témoins. Comme ça, il doit y avoir un tuteur et deux témoins. Les témoins, s'ils sont de la famille ou des mahrams, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Les tuteurs, comme dit Cheikh Ibn Outaymin, peuvent être même, yani, des frères à ceux qui vont se marier. Deux frères à ceux qui vont se marier. Cheikh Ibn Outaymin a dit, c'est permis. Si les frères remplissent la condition bi'idhnillahi ta'ala, remplissent la condition, les conditions de yani, fiabilité bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Non, donc Fawzi, tu m'as envoyé des questions. J'imagine que c'est celle-là à lire en premier. Donc, question d'une sœur. Chir, je lis la sourate 44 tous les soirs avant de dormir. Suite au hadith qui dit que celui qui lit cette sourate tous les soirs avant de dormir, 70 000 anges demandent pour nous à Allah de nous pardonner jusqu'au lever du soleil. Est-ce un acte d'adoration ou une habitude? Barakallahu fikoum, Chir, pour votre réponse. C'est une habitude qui n'a rien à voir avec l'adoration, car ce n'est pas une adoration en ce sens que cette chose n'existe pas dans la charia. Et que ce hadith qui dit que 70 000 anges, etc., est ou bien faible, ou bien menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je dis à cette personne de ne plus faire. Ne plus lire cette sourate, hein, car le hadith qui dit qu'il y a 70 000 anges qui vont, je ne sais pas ce qu'elle a dit ici, qui vont lui demander pardon ou là, hein, ce hadith est ou bien faible ou bien n'existe pas. Hein, tfadlal. Question suivante. Dans le cours, vous avez dit que islam vient du mot eslamtu, je crois, qui veut dire soumission. D'autres traduisent l'islam par protection. Est-ce que le mot islam peut signifier cela? Pouvez-vous donner une définition de l'islam? Barakallahu fikoum. Remarque par rapport à un cours précédent. Peut-on faire des invocations en français lorsqu'on est en soujoud? Fadha cher. Muslim, j'attends toujours que tu parles. Je n'entends plus rien. J'avais entendu un peu le début, ensuite il n'y a plus rien. J'ai pas entendu la question. Barakallahu fik. Toufiq a dit, il faut un tuteur et deux témoins. C'est ce que j'ai dit. Un tuteur, le tuteur et deux témoins. Il est témoin. Ce n'est pas obligé d'être des mahram, c'est bien ça. Bien sûr que c'est pas obligé. Si les témoins ne sont pas des mahram, sont des voisins ou là, des étrangers ou l'épicier d'en face et le boulanger. Maalish, le muhim. Qu'ils remplissent les conditions, c'est tout. Mais si ce sont des mahram, mais les choses aussi. Les deux, c'est valable. L'essentiel, c'est de remplir la condition d'être fiable, de ne pas faire les grands péchés. De ne pas faire les grands péchés. Les deux témoins ne doivent ni porter des chaînes en or, ni des bagues en or, par exemple. Ni ne pas faire la salate. Ni être pervers, hein? Et même si c'est possible, c'est d'avoir la lahya par exemple. Naam, tfadl. Naam, est-ce que vous m'entendez? Puisque j'avais lu la question en fait en totalité. Mais apparemment, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc je relis la question. Dans le cours, vous avez dit que islam vient du mot islamto. Je crois, hein, qui veut dire soumission. D'autres traduisent l'islam par protection. Est-ce que le mot islam peut signifier cela? Pouvez-vous nous donner une définition de l'islam? Barakallahu fikoum. Et cette personne met en remarque par rapport à un cours précédent. Peut-on faire des invocations en français lorsque nous sommes en soujoud? Tfadal cher. Naam, ce qui est connu chez la plupart des savants, c'est qu'islam vient de soumission. Aslam tout, je me suis soumis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par exemple, j'ouvre ce verset. Une seconde. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى ديوسي ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه regardez ce que ça donne en français لله ولا protection qui est meilleur en religion que celui qui se soumet à Allah soumettre. Il a dit aussi, je crois que c'est toujours le même d'accord qui est meilleur. Regardez celui-là. Non, non, mais quiconque soumet à Allah son être. L'autre il a dit soumet son visage, ici il a dit soumet son être. Naam. C'est ça l'islam, c'est se soumettre. Je n'ai jamais lu dans ma vie que islam voulait dire protection. Je ne dis pas que je suis sûr que ça n'existe pas. Mais moi, dans ma vie, ça fait 30 ans, 40 ans que je lis, j'ai jamais lu qu'islam voulait dire protection. Peut-être ça existe, mais moi personnellement, je ne connais pas cette chose. Je ne connais pas cette chose. Je sais que islam vient de soumission. Je me soumets à Allah Azza wa Jal. Je soumets mon cœur. Je soumets mon corps. Naam, tout ça je le soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion. Al-Muhim, ça c'est étymologiquement, comme on dit, l'ouraten. Sinon, l'islam, c'est la religion qu'a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut le connaître, il faut le savoir. Tous les messagers sont venus avec l'islam. Si vous allez lire dans le Coran, vous allez vous étonner. Où Moussa a dit que je suis musulman, Ibrahim dit je suis musulman, Nour dit je suis musulman, et Allah Ta'ala demande à tous d'être musulmans. C'est dans le sens de soumission. Tous les messagers sont venus avec l'islam. Tous. Naam. Mais chaque messager a ramené des lois. Des lois qui diffèrent de l'autre. Dans la législation, il y a une différence. Mais ils se joignent tous les messagers se joignent d'être venus pour dire aux gens de se soumettre à Allah. Ils sont venus pour ordonner aux gens de se soumettre à Allah, à la législation qu'il rapporte. À la législation qu'il rapporte. Taïb, ça c'était une partie de la question. Il y avait autre chose. Est-ce que tu te rappelles de quoi? Pour le soujoud, je vous ai montré, je crois, une fatwa, une fois de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qui a dit que pour, il a dit que pour l'adkar, naam, dans la salat, il a dit que c'était permis de les faire dans une autre langue. Il a dit comme ça, il a dit, sauf le Coran. Naam, il a dit le Coran, yani, on le lit en arabe si on le connaît. Il a dit, quant au adkar, il a dit, c'est pas la même chose. Il a dit, chacun les fait dans sa langue s'il ne connaît pas l'arabe. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, au lieu de dire subhanallah, alhamdulillah, il ne sait pas, il dit louange à Allah, gloire à Allah, et comme ça. Il a dit, c'est possible, bi'idhnillah ta'ala. Pour celui qui ne connaît pas, pour celui qui ne connaît pas l'arabe, et qui ne peut pas les faire phonétiquement, sinon phonétiquement, c'est facile. Parce qu'il y a maintenant l'adkar en phonétique, alhamdulillah. Même si la personne les lit plus ou moins d'une façon fausse, mais elle a beaucoup de récompenses pour yani, avoir trouvé des difficultés. Allah Ta'ala donne les récompenses pour les difficultés, les efforts que fait la personne pour les lire bi'idhnillah ta'ala. Naam. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Ma question concerne le fait de toucher un endroit de la Kaaba. Le guide nous a dit que c'est là où se trouvait l'ancienne porte de la Kaaba, que les invocations y sont exaucées. Il nous a mis la pression en nous disant qu'on ratait une grande ni'ama en voyant qu'on hésitait à le suivre. Qu'Allah vous augmente en science ainsi que nous. Amin. Donc il n'y a pas de question. Voilà, j'imagine qu'elle veut savoir si c'est véridique ou là si c'est faux. Tfadal cher. C'est faux. Non, c'est faux. La Kaaba, il n'y a rien dans la religion qui dise que c'est bien de toucher. Toucher quelque part. À part que, la pierre noire. La pierre noire, on l'embrasse, sinon on la touche de la main, sinon on lui fait un signe de loin. Et ensuite, Rokn al-Yamani, à un endroit qu'on peut housser, yani, si on peut, on touche bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi la porte de la Kaaba, un endroit devant la porte de la Kaaba qui s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle, Multazim, naam. Où la personne, si c'est possible, elle touche avec sa poitrine. Naam. Elle se colle comme ça, avec la poitrine, bi'idhnillah ta'ala. Sinon, comme ça, tourner autour de la Kaaba en essayant de toucher quelque chose, tout ça, ce n'est pas vrai, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Cher, dans une association, a été invité Tariq Ramadan pour une conférence. Est-ce que cela est à suivre ou à désavouer? Faites attention à la rédaction de vos questions, Barakallahu fikoum. Cher, dans une association, on a invité Tariq Ramadan pour une conférence. Devons-nous, Allah, la personne, est-ce qu'on doit donc être adhérent à cette association? ou alors se désavouer. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan, qu'Allah vous préserve et vous ouvre les portes du paradis ainsi qu'à tout et toutes les endurants. Je m'excuse pour la longueur de la question. Ah, il n'y a pas de mouchkil. Juste relisez-vous, jazakumullahu khairan, pour nous faciliter la lecture. Tfadal cheikh. J'ai pas compris, Muslim. Est-ce que la personne demande, maintenant qu'on l'a invité Tariq Ramadan, elle demande si elle doit y assister ou pas? Est-ce que c'est ça la question? Ben, cher, moi je comprends plutôt. Est-ce qu'on doit être adhérent de l'association? Donc, est-ce qu'on doit adhérer à l'association qui a invité Tariq Ramadan? Tfadal, cher. Non, elle ne doit plus yani faire partie de cette association. Si elle peut lui donner des conseils, mais je crois pas que ça marche les conseils. Vu que maintenant cette association, ça se voit que c'est quoi son itija. C'est quoi son orientation? Si elle invite Tariq Ramadan, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette association ne suit pas la voie des selfs, tout simplement. Cette association ne suit pas la voie des selfs, donc il faut s'éloigner d'elle, bi'idhnillahi ta'ala. Question suivante, question d'une sœur. Puis-je avoir un délil qui démontre qu'il est mieux de sortir soi-même la zakat et le fitr? Jazakumullah khairan. Précision, en fait que je paie moi-même la zakat et pas quelqu'un d'autre, comme mon mari par exemple. Fadachir. Si la personne, j'ai pas compris si la personne veut dire, elle a une zakat à faire sortir, est-ce que c'est elle qui va la donner aux pauvres, ou bien elle donne à son mari de la donner, ou bien elle dit j'ai de l'argent. Est-ce que c'est mon mari qui sort de son argent la zakat à ma place, ou bien c'est moi qui dois sortir la zakat de mon argent? Voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Tfadal. Non, chéron, donc on parle bien de zakat el fitr et pas zakat el mal. Et non, la sœur sait que c'est mieux que la personne donne elle-même la donc zakat el fitr. Donc faire individuellement sortir la zakat. Elle demande quel est le délil qui conforte cela, sur le fait que c'est mieux qu'on le donne nous-mêmes et non pas attendre que notre mari, par exemple, le donne pour nous. Tfadal cheikh. Le dalil est simple et clair. Le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apporté par Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète, alayhi wa sallam, a imposé ça min tamr ou min sha'ir. Ça, c'est à peu près 4 fois les deux poignets. Vous comprenez? Tamr ou bien date ou bien orge, blé, comme dans le hadith, il a dit pour chaque homme, voilà, chaque homme et chaque femme. Non. Il a dit sarir, petit ou grand, jeune ou âgé. Donc on comprend par ça que il a été imposé pour nous, pour chaque homme et chaque femme. Donc toi, ma soeur qui pose la question, ça a été imposé par toi. Pour toi, Afouan. Naam. Quant à ton mari, il rentre dans le hadith pour chaque homme. Ça, c'est lui aussi, il doit faire sortir la zakat. Et comme ça, chaque enfant, chaque fille, chaque personne qui a de l'argent, c'est normalement de son argent qu'elle fait sortir elle-même. Mais si quelqu'un, comme par exemple le mari, va dire c'est moi qui vais sortir à votre place, ou bien même un étranger, un voisin va dire, écoutez, la zakat, c'est moi qui vais la faire sortir à votre place, cette année, ne sortez pas. Ça se fait, c'est possible. L'essentiel, c'est que moi, X et Y, on a donné la zakat, ou bien quelqu'un a donné à notre place, bi'idhnillahi ta'ala. Fadlan. Non, mes chers, concernant le timer, et je vous laisse... Je vous laisse me dire la fin. Et salam à Abou Zakaria, car je crois qu'il est avec vous. Question d'un frère. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Pouvez-vous revenir sur les sortes de Nafila et les écrire? Barakallahu fikoum. Lorsque le cheikh a parlé des prières et des causes et des prières non légiférées. Tfadal cheikh. J'ai pas bien compris les causes, tu veux dire, ou bien les sortes de Nafila. Tfadal. En fait, je pense qu'il dit, il pose cette question par rapport, et il dit donc, lorsque le cheikh a parlé des prières de cause et des prières non légiférées. Et donc, sa question, pouvez-vous revenir sur les sortes de nafila et les écrire? Tfadal cheikh. En fait, moi, j'ai pas parlé aujourd'hui de. Des sortes de nafila. Les sortes de nafila, il y en a beaucoup. Est-ce qu'elle veut que je parle que de quels sont les nafila qu'il y a en islam? Est-ce que c'est sa question? Quelles sont les sortes de nafila qu'il y a en islam? Demande-lui si c'est celle-là, mais j'ai pas parlé de ça aujourd'hui. Demande-lui si c'est ça sa question. D'accord, celle qu'on peut faire quand les prières sont interdites. Quand le moment n'est pas un moment où on peut prier, comme lorsque le soleil a commencé à rougir, et lorsque le soleil commence à se lever, il ne s'est pas encore levé, on peut quand même prier une prière qui a quoi? Qui a une cause. Par exemple, la prière de Wudu. La prière des ablutions. Car, yani, il est de la sunna, c'est bien, si une personne, yani, à chaque fois qu'elle fait les ablutions, elle va quoi? Elle va prier deux rak'at. Ça s'appelle la prière des ablutions. Celle-là, on peut le faire en tout temps. Là, il n'y a pas d'interdiction. Et je cite aussi, par exemple, la prière de la mosquée. À chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, on doit prier deux rak'at, car c'est une prière à cause. Et on ne peut pas dire que yani, c'est interdit. Car je l'ai faite à cause de la rentrée de la mosquée. Je ne l'ai pas faite pour une autre cause. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, yani, n'a pas tranché sur Salat al-Istikhara, la prière de la consultation. Est-ce que c'est une prière de cause qu'on peut faire en tout temps, ou bien il est interdit de la faire yani, pendant le lever du soleil et son coucher? Le cheikh est resté au milieu, il a dit je préfère que la personne ne la fasse pas pendant les moments interdits, sauf si elle est dans l'urgence. Comme ça il a dit, si la personne est dans l'urgence, elle doit rendre la réponse vite, et que maintenant c'est ça, l'asr, le soleil va se coucher, elle la fait vite, car elle est dans la contrainte. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal. Fawzi, tu ne m'as donné aucune nouvelle et je vais fermer le salon. Cher, concernant la question sur Zakat al-Fitr, donc la sœur veut savoir si c'est obligatoire à elle de la sortir, si elle a de l'argent, ou est-ce que son mari peut la sortir, même si elle est en capacité donc de la sortir elle-même. Tfadal, cher. Je dis, si elle veut la faire sortir elle-même son argent, c'est mieux encore. C'est mieux encore. Naam. Pourquoi? Parce que le hadith, c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, obligé pour chaque homme, chaque femme, et comme ça. Donc, si elle veut faire cette adoration, il faut la faire sortir elle-même, c'est mieux. Mais, si son mari veut la faire sortir à sa place, elle n'a pas de péché. Car un hadith aussi, un autre hadith, vous la faites sortir de vous et ceux que, yani, sur lesquels vous dépensez. Donc, les deux sont valables, Inch'Allah Ta'ala. Les deux sont valables. Maintenant, si le mari, par exemple, si le mari dit, moi je donne pas, elle est riche, elle donne elle-même. Il peut, parce qu'elle est riche, là, elle a suffisamment d'argent, là, c'est elle qui donne. Mais, s'il veut lui et donner à sa place, c'est possible, Inch'Allah Ta'ala. Fadal. Akh Muslim, pose-moi inchallah ta'ala la dernière question. J'ai dépassé de 10 minutes et j'ai oublié. Tfadlal. Naam, cher, c'est pour cette raison que je vous ai dit pour le timer. Et le frère Fawzi l'avait écrit. Donc, dernière question, inchallah, qui n'est pas sur le divorce. Question d'une sœur. Si on découvre après quelques mois ou quelques années qu'on ne priait pas en direction de la Kaaba, est-ce que l'on est obligé de rattraper toutes ces prières? Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Je dis, inshallah ta'ala, comme réponse, si on a découvert un certain temps qu'on ne priait pas vers la Qibla, qu'on était sur, peut-être à l'opposé même, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, on n'a aucune salat à rattraper. J'ai dit, alhamdulillah, alhamdulillah, peut-être c'est pas bien de dire alhamdulillah. Il y a des gens qui aiment rattraper, Allah alam. Un mohim, yani, il faut dire la vérité, ce serait un. Imagine que tu rattrapes 6 mois. Ce serait vraiment un fardeau, il faut dire la vérité. Donc je dis alhamdoulilah. Pourquoi? Car deux ou trois sahaba, dans un hadith authentique, la nuit, ils ont voulu prier en groupe. Ensuite, ils ne se sont pas mis d'accord sur la Qibla. Chacun a dit, c'est de ce côté. L'autre, il dit non, c'est à gauche. L'autre, il dit non, c'est à droite. L'autre, il dit non. C'est sur notre dos. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit alors que chacun prie tout seul. Regardez les sahabes, ils se sont pas bagarrés. Et encore moins, ils se sont pas tekfir. Il n'a pas dit, ah toi tu es kafir. Moi je dis à droite, tu dis à gauche, tu es kafir. L'autre il dit, ah bon, je te dis c'est en face, tu dis c'est dans le dos la Qibla, tu es kafir. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chose très simple, ils ont dit, venez. On chacun prier tout seul. C'est très simple. Que chacun, bi'idhni ta'ala, prie tout seul. Et qu'est-ce qu'on va. Et on va tracer. On va tracer comme ça, avec peut-être un petit bâton, comme ça. On trace sur le sol la marque. On va mettre des petites flèches comme ça. Car il fait nuit, il fait noir. Demain, on va voir. Yani, et on va comparer avec la vraie Qibla. Et le lendemain, quand ils se sont réveillés, ils ont vu comme ça les traces, et ils ont vu que les trois n'étaient pas dans la Qibla. Et le prophète, quand il a entendu cela, n'a ordonné à aucun des trois de refaire la salat. Aucun des trois lui a dit, va refaire la salat, car tu n'as pas prié dans la Qibla. Donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, que la facilité qu'il y a dans ce din, alhamdoulilah, et comme Allah subhanahu wa ta'ala, yani, n'a demander à aucune personne une charge, yani de prendre une charge plus qu'elle ne puisse. Subhanaka, avant de quitter inshallah ta'ala, je vous passe quelqu'un inshallah ta'ala qui va vous passer le salam et terminer à ma place inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Barakallahu fik muslim pour penser à me passer ça à tous ceux qui écoutent. Et je voulais profiter pour faire une à moi-même. À tous ceux qui ont. Pour dire de bien prendre. Prêter attention, vraiment. Comment vous dire ça? À en profiter de chaque seconde qu'Allah Ta'ala nous permet d'être ensemble et d'apprendre avec Shir, qui nous accorde son temps. Et de vraiment profiter parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et il suffit par exemple juste qu'un fil, le fil qui permet d'avoir internet ici soit coupé pour que les cours soient arrêtés. Et on connaît la valeur que quand il part. Donc il faut vraiment profiter. Je pense que 3 heures le samedi et 3 heures le mercredi dans une semaine quand on comporte, si je me trompe pas, 100 heures, ce n'est vraiment pas beaucoup pour être vraiment attentif. Prêter le maximum. Prêter tout ce qu'on fait à côté. Et qu'Allah Ta'ala nous fasse bénéficier de ce qu'on apprend et qu'ils nous apprennent ce qui nous est bénéfique. Voilà, c'était juste une parole qui m'est venue de tête. Vraiment une Maquin qui nous accorde son temps. Naam, barakallahu fik. Chaque seconde qui passe, elle nous rapproche de notre mort. Comme a dit un poète, Ibn Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. À chaque jour qui passe, il y a une partie de toi qui part. Donc il faut vraiment profiter de chaque seconde et de la rendre bénéfique. Et aussi, donc on remercie Cheikh Jazahullah, Khair à nous attend. Il faut vraiment qu'on profite de chaque instant. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.